Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, radio locale et libre. Libre et locale, les deux, hein, les deux. Et ce soir, eh bien, c'est lundi, c'est le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme de ce soir, bien entendu, comme d'habitude, bien de la musique, et puis des informations, une petite revue de presse à la fin, Et puis des enregistrements d'émissions diverses et variées, par exemple épigénétique avec Michel Simès et Adriana Carambeu. Ils nous apprennent des choses intéressantes sur le sujet. Ensuite, ADN, gènes, prix Nobel, génome, thérapie génique. Hein, ce sera une deuxième tranche de biologie, disons. Ensuite, le virus Covid, et puis Adrien Quatennens, qui nous parlera de la politique actuelle, hein, bien sûr. Le 11 septembre aux USA, et les attentats de Paris, le Bataclan et autres. Ensuite, Covid, Buzyn et les masques. Hein, Buzyn, vous vous rappelez d'elle, Buzyn, hein, ministre de la Santé, hein. Oui. Elle n'aurait que l'intérêt, c'est qu'on l'oublie, mais bon, va-t-on l'oublier? Même en faisant un effort, on n'y arrivera pas. Ensuite, bien, revue de presse, hein, et puis ce sera tout pour ce soir. Alors, que s'est-il passé le 18 octobre? Eh bien, le 18 octobre 1524, en Allemagne, l'archiduc Ferdinand ordonne d'égorger sans pitié les paysans révoltés de la forêt noire, de brûler leurs maisons, de poursuivre les femmes et les enfants qui tenteraient de fuir. 1525, en France. Anton Bitcher et Werner Sertel, meilleurs paysans d'Alsace, sont décapités à Célestat. Alors là, il y a une petite erreur parce qu'en 1725, l'Alsace n'était pas française. Pas encore. Eh oui, bon, voilà. Hein. Donc c'était encore l'Allemagne, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, hein. C'était les mêmes paysans, c'était le même pays, pas la même région. Mais voilà. 1685, France. Révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Ah. Les protestants perdent la liberté de culte. Toutes leurs assemblées sont interdites. Les temples doivent être détruits. Chacun doit choisir, se convertir ou émigrer. Oui, c'était pas encore la République, hein, c'était pas encore la liberté de penser, la liberté de... Non, la laïcité, c'était pas encore à la mode du tout, hein. 1685, Louis XIV, ben oui, il a fallu encore attendre un peu pour que le progrès progresse. 1874, Équateur, le général Garcia Moreno instaure la République du Sacré-Cœur de Jésus. Ah, la République du Sacré-Cœur de Jésus, vous voyez comme quoi les histoires de religion et de République, ça peut parfois avoir l'air de cohabiter, avoir l'air... Dans les faits, concrètement, c'est pas si évident que ça. Il vaut mieux séparer les choses, c'est beaucoup mieux. La laïcité, c'est pas une invention négative du tout. 1882, France, début du procès des 23 membres de la bande noire de Montceau-les-Mines. C'est l'écrasement de la première ébauche d'organisation ouvrière dans une mine, où il y a eu 89 morts. 89 morts. En 1882, dans un pays hautement civilisé, la France, hein, 89 morts, par coup de grisou, et où le patron déclare aux ouvriers « Je suis votre père, je vous aime comme mes enfants ». Eh oui, 1898, Japon, constitution du groupe de recherche sur le socialisme. Alors c'est écrit en japonais en dessous, je peux pas vous traduire. 1908, Égypte. Au Caire, suite à une série de licenciements, début d'une importante grève des tramways. La répression policière est sanglante, 200 ouvriers seront condamnés. 1908, Zaïre, le Congo devient officiellement une colonie belge. 1908. 1921, Espagne, journée de 8 heures dans les chemins de fer. 1936, Espagne. Hitler et Mussolini reconnaissent officiellement le régime franquiste, alors que l'on croit Madrid sur le point de tomber. 1945, Allemagne, à Nuremberg, ouverture du procès contre 24 criminels de guerre nazis. 24 seulement. Il y en a beaucoup qui ont échappé, hein. Oh là là, il y en a eu beaucoup. Beaucoup trop. Il aurait fallu les chercher, ces gens-là. Et puis les punir comme il convenait. 1971, Espagne. À Barcelone, 8000 ouvriers occupent l'entreprise automobile Seat par solidarité avec des camarades licenciés. La police de Franco fait usage de bombes lacrymogènes et ouvre le feu pour déloger les ouvriers. 1971, il sévissait encore Franco en 1971 en Espagne. Eh oui, les dictatures, il y en a eu pas mal hein, dans le coin. Hein. Ouais. Qui ont été supprimés, parfois provisoirement. 1973, Chili. La junte suspend tous les partis politiques. 1977, Équateur. Massacre de la sucrerie Astra. Les coupeurs de canne recourent à la grève pour le respect de leur contrat. Ils se rendent pacifiquement dans la cour de l'usine. À midi, les femmes et les enfants les rejoignent, apportant la nourriture. Trois quarts de policiers armés jusqu'aux dents arrivent sur les lieux. Ils donnent l'ordre d'évacuer l'usine en 2 minutes. Avant l'expiration du délai, ils lancent des bombes lacrymogènes et ouvrent le feu, pourchassant à travers champs ceux qui essayent de s'enfuir. Les dirigeants syndicaux arrêtés sont rendus responsables du massacre. On ignore le nombre de morts, les cadavres ayant été brûlés dans la chaudière. La Fédération des travailleurs de Guyana

que c'est parce que il y avait un gène chez cette personne qui a été modifié. Ça veut dire que cette personne sont plus, ils stockent davantage que d'autres personnes parce que justement ils ont vécu ce manque de nourriture. C'est-à-dire que l'épigéno va s'adapter, en quelque sorte, va permettre au corps de s'adapter à la famine. Et le problème, dans le cas d'hérédité épigénétique, est que ça va modifier l'épigéno dans les cellules germinales et que les descendants, eux, où la nourriture est abondante, du coup, ne sont plus adaptés. Ouais, leur organisme va avoir la mémoire du stockage voilà. En se disant, oulala, on ne sait jamais s'il y a une famine. Il n'y a pas de famine. Et donc, tout ce qu'ils mangent, ils le gardent. D'où l'obésité. Et puis, voilà, et ça crée ces pathologies qui, ensuite, persistent jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération. C'est une folie. Donc de bien s'alimenter, c'est hyper important, mais encore davantage si, par exemple, on a un petit bébé dans le ventre, même la maman avant qu'elle tombe enceinte. À tout moment de la vie, en réalité, c'est important. Après, je ne veux pas dire que tout influence ces cellules. En général, le corps absorbe quand même les expériences de vie et puis une mauvaise alimentation. Mais si toutes les expériences extrêmes ou vraiment une mauvaise alimentation pendant une longue période, ça peut vraiment avoir des répercussions. Il faut avoir un Rouen dans sa vie. Oui. Bah, pour moi, la cuisine, je vous le disais tout à l'heure, c'est comme le sport. Il y a une partie de travail qui est importante et dans laquelle il faut être organisé, mais il y a une partie plaisir qui est super importante. Et ce que je voulais, c'était que ce dressage, bah, on prenne plaisir tous et qu'on dresse ensemble. Le dressage collectif, hein, c'est pratique, cela permet de résumer. On a nos maquereaux, mais aussi de petits morceaux d'huîtres et des palourdes. Accompagnés de légumes croquants, asperges, radis, choux kale, et de morceaux de fruits. Ici, orange, pamplemousse. Le tout rehaussé de quelques noix, très conseillées, et assaisonné du lecce del tigre. 11 du stress au travail. 9 Français sur 10 disent en souffrir. Le stress est une réaction naturelle et vitale, certes. Mais il peut aussi avoir des conséquences néfastes sur notre santé, allant jusqu'à modifier l'expression de nos gènes, comme l'explique Raphaël Schex, épigénéticienne. Au fur et à mesure de la vie, on s'aperçoit que notre épigénome se modifie de manière tellement corrélée au temps que si vous me donnez votre épigénome, je peux vous dire quel âge vous avez. Mais c'est un âge qui est épigénétique et qui n'est pas chronologique. Si vous avez un âge épigénétique plus grand que votre âge chronologique, par exemple si vous avez 38 ans mais votre âge épigénétique c'est 42, ça veut dire que vous avez un tic-tac biologique, donc une horloge épigénétique qui va plus vite que la moyenne et c'est associé à un risque accru de maladies chroniques. Parkinson, Alzheimer, cancer, maladies cardiovasculaires, etc. Et en fait, le stress que l'on ressent dans la vie de tous les jours, le stress qu'on appelle chronique souvent, va effectivement accélérer notre horloge épigénétique. En résumé, plus nous sommes soumis à des situations stressantes au cours de notre vie, plus nos gènes sont affectés. Mais peut-on transmettre ces marqueurs de stress à nos descendants? Nos futurs enfants, petits-enfants, peuvent-ils être plus sensibles à l'anxiété si nous avons nous-mêmes subi trop de stress? On s'aperçoit de plus en plus que les environnements que traversent les parents et peut-être la grand-mère maternelle vont avoir un impact sur l'épigénome des enfants et des petits-enfants. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique intergénérationnelle. Notamment, un environnement qui est très important, c'est l'environnement in utero, donc de la femme enceinte, en fonction de son alimentation, de l'exposition à des pollens, de l'exposition à du stress psychologique. On sait que cela va modifier l'épigénome de son enfant. Outre le stress chronique, des situations de stress traumatique peuvent aussi impacter de manière durable notre épigénome. Habituellement, quand nous sommes face à une situation stressante, une alarme se met en route dans notre cerveau. L'information est d'abord perçue au niveau d'une structure appelée amygdale. L'amygdale envoie un message d'alerte à nos glandes surrénales qui libèrent des substances chimiques, les hormones, comme l'adrénaline, ou encore le cortisol, l'hormone du stress. Quand la menace disparaît, le cortisol remonte au cerveau et éteint l'axe du stress. Le stress est passé et l'organisme reprend son activité normale. Mais chez certains, la mécanique s'enraye. Il a été montré que les enfants qui ont des débuts de vie difficiles et traumatiques ont certaines marques épigénétiques que l'on ne retrouve pas chez les enfants qui n'ont pas eu ces débuts de vie difficiles. Et notamment, une marque épigénétique qui est très importante se situe dans leur cerveau au niveau de l'hippocampe, qui va faire que leur axe du stress va être hyperactif tout au long de leur vie. Et quand ils font face à une situation de stress, l'axe du stress libère le cortisol, mais quand le cortisol remonte au cerveau, au lieu d'éteindre cet axe du stress, il va rester allumé, entre guillemets, donc ils vont rester dans un état d'hypervigilance, même une fois la situation stressante terminée. Au quotidien, ça veut dire que c'est des individus qui vont être dans une sorte d'hyper-réactivité face à des situations de stress et qui, sur le long terme, vont avoir un risque de psychopathologie accru. Anxiété, dépression, etc. Mais comment diminuer l'impact du stress sur notre épigénome? Des épimédicaments pourraient un jour modifier les marques dans le cerveau qui sont apparues à la suite d'un traumatisme en début de vie. Mais en attendant, nous pouvons déjà agir. Heureusement, il n'y a pas de déterminisme. Même si vous avez eu un début de vie très difficile, on s'aperçoit de plus en plus que le mode de vie, donc par exemple la gestion du stress, l'alimentation, le fait de faire du sport, tous ces éléments-là vont permettre, entre guillemets, de nettoyer votre épigénome jusqu'à un certain point et finalement d'être en bonne santé. Parmi les moyens très efficaces pour lutter contre le stress chronique, la méditation. Donc le plan d'expérience, en fait, c'est une vingtaine de méditants sont venus méditer de 8h du matin jusqu'à 16h. Et dans le même environnement, il y avait une cohorte d'individus contrôle qui, pendant la même durée, ont fait des activités de loisirs variées, comme par exemple lire, se promener, regarder la télévision. Et donc on a comparé l'épigénome de ces méditants à ces individus contrôle. Alors qu'aucun changement significatif ne s'est manifesté pour le groupe contrôle, il en a été tout autrement chez les méditants. On a été entre guillemets bluffés de voir effectivement qu'après 8 heures de méditation, on avait des changements épigénétiques significatifs chez nos méditants. Pour nous, ça a été une vraie surprise. Des modifications sont ainsi apparues dans des structures impliquées dans le vieillissement, comme la réparation de l'ADN, l'inflammation ou encore l'immunité. Mais si seulement 8 heures de méditation peuvent avoir de tels effets, que peut-on espérer de plusieurs années de pratique? Plus les méditants ont d'années de pratique à leur actif, plus ils ont une horloge épigénétique ralentie. Et on a vraiment une super belle corrélation négative chez les hommes comme chez les femmes. Plus le nombre d'années de pratique est important, plus le vieillissement épigénétique est ralenti. La méditation a donc le pouvoir de ralentir le processus de vieillissement. Ajoutons à cela une alimentation équilibrée, de l'activité physique, et devenir centenaire ne sera plus qu'une formalité. Aujourd'hui, on sait que le sport a des effets positifs sur la façon dont nos gènes s'expriment. Laurie Tillman est une grande adepte de l'activité physique. Sa pratique quotidienne l'a menée à travailler avec des professionnels de la santé et du bien-être et à s'intéresser de près aux mécanismes en jeu dans notre corps. Allez, on commence. L'idée, c'est d'optimiser un petit peu tous les petits moments de la journée en fonction de ce qu'on a dans les mains, dans les pattes et ce qu'on a aussi autour de nous. Avec elle, nous allons apprendre quelques astuces très simples pour bouger en nous faisant du bien. Et on commence par le sport unanimement plébiscité depuis le premier confinement, le vélo. Passe devant parce que moi j'ai pas vraiment un vélo. Hein. Plus 5000% de ventes en un an dans certains pays. Vous connaissez la respiration hypopressive, c'est de vider tout l'air de son ventre en collant au maximum le nombril proche de sa colonne vertébrale. Et ça sert à quoi? En fait, on va travailler les abdos profonds. Ah. On va du coup travailler le petit bas du ventre un peu disgracieux, renforcer toute sa ceinture abdominale, éloigner les problèmes de dos, le stress. On peut le faire sur une chaise de bureau, dans les transports en commun, dans sa voiture, en marchant, c'est invisible, ou sur un vélo. Donc je vous propose d'inspirer profondément par le nez et on va vider tout son air. C'est C'est comme si on voulait rentrer dans une toute petite robe trop serrée. Exactement. C'est ça. Voilà, tu vois, en rentrant le périnée en plus. Voilà. J'en connais qui n'arrivent pas à avoir le nombril près de la colonne. Hein. Allez, on accélère le rythme là. J'adore le syndrome là, du coach du sport qui gueule et qui fait rien. Quelle agilité, Michel. C'est magique. Incroyable, non? Isabelle, est-ce qu'on peut, avec le sport, allumer les jeunes? Oui, il y a certains dont on a besoin et d'autres qui ont plutôt besoin d'être éteints. Donc le sport favorise cet équilibre, cette homéostasie, comme on appelle ça, l'équilibre du corps. La transmission d'un gène du sport n'a jamais été prouvée. Allez, on commence à envoyer coup droit. En revanche, des études ont montré qu'une activité physique régulière engendrait des modifications sur plus de 4000 gènes impliqués dans la santé de nos muscles. Tu te sens comment ? Ouais. Les mécanismes inflammatoires et l'immunité, c'est-à-dire nos défenses contre les maladies. Bon, t'as un petit challenge musical ? Ça vous tente ou pas ? Ouais. Ok, les amis. Bon, là, ça va être simple. Quand la chanson dit « Bring Sally Up », on est toujours en haut. Quand il y a « Bring Sally Down », on est en bas. Et tant qu'il ne redit pas « Bring Sally Up », on ne remonte pas. « Up » en anglais, ça veut dire « en haut » et « down », c'est en bas. Autre astuce toute simple mais très efficace de Laurie Tillman, se servir d'une chanson qu'on adore et effectuer des mouvements particulièrement exigeants juste pour le temps du titre. Et si c'est trop dur, on brouille son cerveau et on peut balancer des brosses. On va. Non mais ils ont 25 ans de moins que nous là. Enfin que toi, que moi. Bravo. Isabelle, dites-moi s'il vous plaît, on fait le sport, il faut le faire régulièrement, mais c'est quoi la régularité parfaite? Il y a une étude en particulier qui a montré que 4 fois par semaine, à raison de 45 minutes environ, activait plusieurs milliers de gènes. Donc c'est une seule étude, mais ça indique un tout petit peu justement que la régularité est importante. Et les enfants? Les enfants, d'une façon générale, ils sont beaucoup plus actifs que les adultes. Les enfants, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 1 heure d'activité physique quotidienne. Et en France, 80% des enfants ne suivent pas ces recommandations. Et c'est une catastrophe sanitaire. Oui, la faute aux écrans notamment. Ces marches, ça donne envie, non? Ah ouais. Vraiment. Hein. Allez, on y va. C'est parti pour les marches. Go. Ah, c'est 2 par 2. On peut. C'est le plus rapidement arrivé, hein. Ah bon, c'est une course. Ah bah d'accord. Je me bats Adriana, c'est tout ce qui m'apprend. Merci à tous les deux, merci, on a pas mal mangé. Merci. Hein, c'était assez bon, faut dire. Merci. Et vous êtes bien dépensé. Voilà, on s'est bien dépensé, merci Isabelle. ...de nos cellules. Mais que se passe-t-il quand nous avons connaissance d'anomalies génétiques avant même de tomber malade? La prévention génétique existe-t-elle et dans quelle mesure? Adriana et Michel vont en discuter avec Dominique Stoppa-Lyonnais, oncogénéticienne. Mais pas seulement avec elle. Le corps nu sur le sol. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux. Laetitia pratique la pole dance en amateur. A envie de la retirer. Sa sœur Audrey enseigne la discipline dans ce studio. Y'a pas de place pour les femmes. Y'a pas de place. Toutes deux, elles ont fait le même choix que la star américaine Angelina Jolie. Porteuse d'une mutation sur le gène BRCA2 qui augmente considérablement les risques de cancer du sein, elles ont demandé une ablation de la poitrine pour contrer ce qu'elles qualifiaient de fatalité familiale. Laetitia a même été la première en France en 2008 à choisir cette chirurgie préventive à l'âge de 26 ans. Toutes deux ont aujourd'hui une poitrine reconstruite. J'ai perdu la tête. Autant dire qu'exprimer leur féminité en dansant est une victoire bien au-delà des mots. Laetitia et Audrey vont nous raconter leur histoire, souhaitant éclairer toutes les personnes qui se considèrent à risque par rapport au cancer du sein. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Ça fait longtemps que vous dansez ? Elle, oui. Moi, bah, ça, on danse toutes les deux, même, en vrai. On danse depuis toujours, depuis petite. Et la poule, 3 ans, moi. Et puis Laetitia, c'est récent, quelques séances, j'essaie de la convertir. Mais vous étiez très très émue. Ah, ouais. Moi aussi, hein, c'était très touchant, mais qu'est-ce qui vous a émue à ce point? Par rapport à notre histoire, je pense que c'est vraiment ça qui nous emmène aussi à nous réunir autour de cette barre qui nous élève en fait. Moi je me sens... encore plus forte quand je suis avec elle et elle m'emmène en fait. Vous partagez des choses en dansant, mais vous avez partagé une histoire assez extraordinaire. Ça a commencé par vous, Laetitia, parce qu'effectivement il y a un gène, un mauvais gène on va dire, qui se transmet dans la famille, le gène du cancer du sein. Oui, prédisposition sein et ovaire, c'est un risque plus accru, en fait, d'être exposé davantage à ces cancers du sein qui ont touché, en fait, les femmes dans notre famille, donc arrière-grand-mère, grand-mère, maman. Ça n'a sauté aucune génération. Et donc, c'est ma maman, au cours de son parcours thérapeutique, elle a beaucoup parlé, finalement, de ces cancers qui frappaient sa famille. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se renseigner pour elle, mais surtout pour ses filles, en imaginant qu'on puisse, nous, avant de tomber malade, en fait, trouver une solution. Et donc, quand elle a fait son test, moi, je l'ai fait en même temps qu'elle. Elle m'a dit, t'es la première, t'es la plus grande. Bon, même si, évidemment, il me manque quelques centimètres. Et j'ai su que j'étais porteuse très jeune. Alors, il y a plusieurs gènes, mais on parle de BRCA. Oui. Ce gène donne quel risque d'avoir un cancer, non seulement du sein, mais un cancer des ovaires aussi, parce que c'est souvent lié. Ouais. Quel est le risque? Alors, effectivement, les risques sont très élevés. Et on retient, aujourd'hui, avec des études qui sont quand même partie de forme familiale, c'est important. On retient que le risque cumulé au cours de la vie jusqu'à l'âge de 80 ans est de l'ordre de 70%. Donc c'est très élevé. Je veux juste rappeler aussi le risque de la population générale. Qui est combien? Qui est de l'ordre de 12%. Ah oui. Je dirais que nous sommes tous à risque de cancer du sein. Il est important d'être surveillé. Mais les femmes qui ont une altération constitutionnelle, très souvent héritée de la mère, ou du père. On a un peu tendance à oublier que les hommes peuvent transmettre. Et donc, là, ces femmes ont un risque très élevé, 70%, avec un âge moyen au diagnostic qui est plutôt de 45-50 ans. Et il peut y avoir des cas même un peu plus jeunes. Plus précoces. Ouais. Du coup, après cette information, donc vous étiez porteuse. On nous a parlé des possibilités, et notamment des possibilités de chirurgie préventive. Pour moi, c'était une évidence. Et donc, quand j'ai su qu'Audrey était porteuse et qu'elle m'a accompagnée, en fait, dans cette chirurgie, j'ai toujours fait en sorte de lui montrer que c'était possible et que malgré cette décision lourde que j'ai prise au cours de ma vie, j'avais aussi envie de l'encourager à me suivre pour pouvoir la protéger et la mettre à l'abri. Donc, mais j'ai mis un peu plus de elle temps. Elle a mis un peu plus de temps. Et vous avez suivi la même opération? Oui, j'ai subi la même opération, mais 7 ans plus tard. Donc j'ai mis du temps quand même. J'ai mis du temps à encaisser déjà tout le changement pour elle que ça avait procuré, parce que ça a quand même, c'est un gros bouleversement dans une vie de femme quand même. C'est pas un geste anodin, enfin, il faut le savoir. Et moi, j'avais besoin bah, d'être posée aussi sentimentalement. Je suis devenue maman, donc il y a aussi cette responsabilité qu'on a auprès de nos enfants quand on devient maman. J'avais absolument pas envie de faire vivre à mon petit Roméo, il s'appelle Roméo, c'est un petit garçon, ce que j'avais vécu avec ma maman, tout simplement. J'avais envie de le rassurer, j'avais envie de lui dire oui, mamie, elle est décédée, mais maman, ça lui arrivera pas, ou du moins pas comme ça, peut-être autre chose. On est à l'abri de rien, mais j'avais envie de pouvoir le rassurer. Même si le cancer du sein peut toucher les hommes, vous êtes sans doute, mesdames, nombreuses à vous demander si vous pouvez, vous aussi, prétendre à un dépistage oncogénétique. Pour nous aider à y voir plus clair, Laetitia a créé le site Génétique Cancer. Vous y trouverez un questionnaire, ainsi qu'une liste de 150 centres qui proposent ces dépistages en France. Une mine d'informations. Et aujourd'hui, qui peut être sujet à ces tests préventifs? On se met dans une situation, on fait ces tests aujourd'hui en deux temps. Et donc l'idée, c'est d'abord de repérer un facteur génétique de risque dans une famille donnée. En l'occurrence, le facteur, c'est une altération de BRCA1-2 ou d'autres gènes. Et puis de proposer un test ciblé aux apparentés. C'est en fait la démarche qu'a fait votre mère. Elle a fait pour elle, ce test n'avait pas... À ce moment-là, n'avait pas de d'enjeu particulier, mais elle l'a fait pour vous, ouais. Parce que ça vous a permis de faire un test génétique. Elles sont porteuses du gène. Pourquoi finalement, plutôt que de retirer les deux seins, de faire des chirurgies lourdes avec la réparation, pourquoi on les surveille pas encore plus que les autres femmes pour dépister, même s'il y a un début de cancer, étant donné que c'est tout petit, on l'enlève et puis on est tranquille. Et aujourd'hui, on recommande d'abord la surveillance par IRM, mammographie, échographie, tous les ans, dès l'âge de 30 ans. Dans certaines situations familiales, on peut commencer avant 30 ans. Et c'est aujourd'hui finalement le choix que font 85% des femmes. Et on estime qu'il y a environ 15% des femmes qui, à un moment donné, s'orientent vers ce choix. Laetitia et Audrey ont aujourd'hui une poitrine reconstruite, mais leur combat ne s'arrête pas là. Laetitia a fait le choix, à moins de 40 ans, de subir une ablation préventive des ovaires, car la mutation du gène qu'elle porte augmente aussi les risques de ce côté-là. Elle est donc déjà ménopausée. Mais jamais elle n'a regretté ses choix. C'est super qu'on puisse accéder à tout ça parce que je pense qu'on avance et c'est aussi beaucoup d'espoir pour les générations futures et pour ma grande fille qui va avoir 16 ans parce que j'ai déjà une ado qui commence à réfléchir à tout ce parcours-là. Et c'est vrai que voilà, je même pense de se dire qu'on peut peut-être devancer la maladie, c'est ça. Ou du moins l'empêcher de se développer, je trouve que c'est déjà un bel espoir. On a aussi envie de montrer que quand c'est mûri, réfléchi, et quand j'ai hésité longtemps, aujourd'hui, je suis vraiment contente. C'est une épée Damoclès qui s'est retirée, enfin, au-dessus de ma tête, qui était là, qui pesait. Et c'est vrai que j'ai été soulagée dès l'instant où je me suis réveillée sur ce lit d'hôpital et je me suis dit, mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Ça nous donne quelque chose de plus et c'est toujours le message que j'ai voulu faire passer, c'est que avec beaucoup de soutien, beaucoup d'amour et l'envie aussi de construire quelque chose de positif à la clé, derrière tout ça, c'est un mauvais gène pour une belle histoire. Et ça, je pense que c'est très important de le retenir. En tout cas, j'ai vraiment envie de le vivre comme ça, on a envie de le vivre comme ça. Rien n'empêche aujourd'hui Laetitia et Audrey de profiter pleinement du présent et de pratiquer les sports qu'elles aiment tant, à l'image de ce saut en parachute effectué juste après l'opération d'Audrey. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Pourquoi je t'emmène te promener dans les bois? Parce que c'est joli. Ouais, alors ça pour l'instant, tu as tout juste. Si je te dis ADN et gène. Je te réponds les enquêtes criminelles. Oui. Toi, tu es formidable. Effectivement, je t'emmène sur une scène de crime. On va essayer de comprendre comment la gendarmerie scientifique se sert de tout ça, de l'analyse génétique, pour essayer de résoudre des enquêtes. Adriana, je te présente Pascaline. Bonjour. Bonjour. Bonjour Adriana, bonjour Michel. Et nous sommes là sur une scène de crime. Tout à fait. Qui a été reconstituée hein, quand même. Et vous êtes donc dans la tenue indispensable sur une scène de crime. Si on ne protège pas nos zones de corps, en fait, on va déposer notre ADN sur la scène de crime. Et on risque de retrouver notre ADN sur les traces et indices. Donc ça serait un peu dommage. Et en plus, ça risque de masquer éventuellement l'ADN qui aurait été laissé par l'auteur. Oui, parce qu'on veut perdre les cheveux, on desquame, il y a toujours cellules qui se promènent. Les postillons, tout ça. Et si on veut rentrer, il faut qu'on se mette comme vous. Voilà, tout à fait. Ah. On peut? Vous avez prévu quelque chose pour nous? C'est prévu. Grande taille pour Rihanna. Les deux. Allons-y. Je te l'ai dit, on ne peut pas passer comme ça. On va procéder. Procédons. ADN. Voilà un acronyme qu'on entend beaucoup dans les séries policières sans trop savoir à quoi il se réfère exactement. En fait, de l'ADN, nous en avons partout ou presque. Notre corps est composé de 100 000 milliards de cellules. Dans le noyau de chaque cellule, il y a 46 chromosomes. Dans chaque chromosome, il y a notre ADN. Cela veut dire acide désoxyribonucléique. C'est une molécule ultra compactée, comme l'explique Xavier Coumoul, professeur de biochimie. Alors, si on prend l'ADN et qu'on essaye de le dérouler à partir d'une unique cellule, on se met à dérouler, et bien en fait, on atteint une taille de 2 mètres pour une cellule qui est microscopique, hein, qui est toute, toute petite. Donc en fait, cet ADN, il forme comme une pelote de laine. Il est hyper compacté. C'est-à-dire que la longueur totale de tout l'ADN de notre corps reviendrait à faire 3 millions de fois le tour de la Terre. L'ADN comporte des milliers de gènes qui déterminent l'ensemble de nos caractéristiques, la façon dont notre corps fonctionne. C'est ce qu'on appelle notre génome ou encore notre patrimoine génétique. Quelle que soit la cellule, on a exactement les mêmes gènes dans toutes les cellules. Sauf que ceux-ci vont s'exprimer différemment. Il y a certains gènes qui vont être allumés. Il faut imaginer les gènes comme avec des feux rouges et des feux verts. Donc on a des cellules qui se différencient comme ça, mais toutes ont en gros le même patrimoine. Toutes nos cellules renferment le même patrimoine génétique. Mais tous les individus sur la Terre ont un patrimoine génétique différent. Voilà pourquoi il est si important de retrouver des traces génétiques sur une scène de crime. Elles sont spécifiques aux meurtriers. Ça vous semble bien ? C'est parfait, vous pouvez rentrer. Premier indice. C'est nouveau avec les centimètres, là ? Oui. Donc ça, c'est probablement du sang. C'est un indice qu'on voit. C'est ça. C'est visible, donc ça, c'est facile. C'est ça. La logique voudrait que ça ait servi à donner le coup, donc que le sang qui se trouve là soit le sang de la victime. Voilà. Mais il a fallu le tenir, cette arme. Il a fallu tenir cette arme, donc il est possible qu'autour, il y ait des traces génétiques de... De la personne qui a tenu la pierre. Alors, on va pouvoir poursuivre sur notre scène de crime. Donc, avec une lampe assez puissante, en lumière rasante, on va pouvoir déjà identifier, en fait, des éléments pileux. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre, à part des cheveux ? Alors là, on pourrait trouver des taches, notamment des taches de sang, sauf que ce qui se passe sur les tissus sombres, le sang, bien souvent, ne se voit pas. Donc on va avoir une lampe spéciale pour contraster, mais ça va être au laboratoire. Adriana, Michel et Pascaline s'équipent d'outils comme des écouvillons ou des sachets stériles pour aller prélever les traces d'ADN. Première étape, la pierre. Et là, vous allez venir frotter. Comme ça, là ? Voilà, c'est parfait. Donc cette quantité-là va suffire largement à obtenir un profil génétique exploitable. Et le matériel génétique reste sous les objets comme ça combien de temps ? Dans un environnement chaud et humide, ça va avoir tendance à se dégrader très vite. Par contre, dans un environnement froid et sec, ça peut durer très très longtemps, plusieurs mois. Voire plusieurs années. Les avancées en génétique permettent parfois de rouvrir de vieilles affaires criminelles qu'on appelle les cold cases et de confondre les meurtriers jusqu'à 30 ans après les faits. Ça y est. Impeccable. Vous avez fait ça toute votre vie. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir mettre tout ça en analyse au laboratoire. Faire parler les traces invisibles, c'est ce qui se joue ici, à l'Institut de recherche criminelle. Aidé par le chef d'escadron Amaury Puccio, Adriana, Michel et Pascaline Tesio vont analyser les données de la scène de crime. Puis ils les confronteront à celles du fichier national des empreintes génétiques, où sont recensés 4,9 millions de profils qui ont déjà été suspects ou condamnés. Donc ça, c'est le t-shirt. Voilà, donc ça, c'est le t-shirt qui était sur la victime. Là, je suis en train de balayer avec un spectre dans la longueur d'onde du bleu. Et là, on va déjà tout de suite pouvoir constater qu'au niveau du poignet, on devine comme des traces de doigts. Donc on va venir frotter le poignet de la manche pour savoir si, éventuellement, on a un autre ADN que celui de la victime. Et quand vous changez de spectre ? On va passer en infrarouge. Et l'infrarouge va nous servir à déterminer si l'on trouve des traces de sang qu'on n'aurait pas vues tout à l'heure, en fait. Regarde. C'est ça ? C'est ça. Donc là, en infrarouge, les traces de sang vont apparaître en sombre sur un fond blanc. Quelle information vous pouvez avoir grâce à justement cet ADN ? Qu'est-ce qu'on cherche ? En fait, tout d'abord, lorsqu'on va faire une analyse génétique, l'objectif c'est de pouvoir identifier la personne en trouvant une correspondance dans la base de données nationale avec tous les suspects. Et des fois, il n'y a pas de correspondance, exact. Et donc on n'arrive pas à identifier le suspect. Mm-hmm. Et plutôt que d'arrêter l'enquête à ce stade, maintenant, on a une nouvelle possibilité, c'est de pouvoir retravailler, relire l'ADN, mais cette fois-ci pour sortir des caractéristiques physiques de l'individu. Aujourd'hui, on ne va pas encore être capable de refaire un vrai visage à partir de l'ADN. La recherche avance, mais c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement long. Donc peut-être que dans 10 ans, on y arrivera. Aujourd'hui, on va simplement fournir quelques caractéristiques qui vont permettre d'orienter l'enquête lorsqu'il n'y a plus de pistes. Les quelques caractéristiques dont parle modestement Amaury Puciot sont tout de même très précises et très précieuses. On parvient aujourd'hui à déterminer le sexe du suspect, ici un homme, la couleur de ses yeux, ici 89% de chances qu'il ait les yeux bleus, la couleur de sa peau, très claire à 86%, de ses cheveux, blond à 78%, et même son origine biogéographique. Ici, c'est un Européen. La marge d'erreur est seulement de 10%. Ce sont donc des informations plutôt fiables. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. C'est vrai que c'est assez fascinant. C'est un métier que j'aurais voulu faire. Non, c'est moi j'ai dit ça en premier. Toi aussi ? Moi j'ai dit ça en premier. Non. D'accord, bon, on va le dire. Je pense qu'Adriana était beaucoup plus performante dans les prélèvements que vous, Michel. Très bien, je vous remercie. Je ne reviendrai donc plus. Alors, t'as pas envie de savoir un peu ce qu'on a, nous, dans nos cellules, notre propre génome ? Tu veux pas qu'on aille le séquencer ? On peut ? Bah oui. Bah on y va. Je vais t'y emmener, mais avant, il faut qu'on comprenne bien d'où viennent nos gènes. D'où viennent nos gènes ? La réponse est digne d'une épopée fantastique. Lors de l'accouplement humain, entre 150 et 500 millions de spermatozoïdes de l'homme entament une course folle pour aller féconder l'ovule de la femme. Un seul est l'élu. De cette union naît une cellule œuf, la toute première cellule du fœtus. En se démultipliant encore et encore et encore, cette cellule aboutit à la formation de notre organisme et de ses milliards de cellules. Chaque cellule contient 46 chromosomes. Le spermatozoïde va en gros apporter 23 chromosomes. Et puis, chez la femme, c'est pareil, l'ovule va contenir 23 chromosomes. Et en fait, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a une fusion. Et donc 23 plus 23, ça fait 46. On retourne à ce chiffre de 46, qui est le chiffre qui, en gros, caractérise, pour le nombre de chromosomes, toutes nos cellules. On a donc nos chromosomes et à l'intérieur notre ADN. Chaque molécule d'ADN ressemble à cela. Une structure en hélice avec des lettres. 4 lettres qu'on appelle nucléotides. A, T, C, G. Des lettres qui ne sont pas toujours dans le même ordre et qui, selon leur ordre, n'auront pas les mêmes fonctions dans notre corps. Les 4 lettres peuvent créer une variabilité infinie. Et d'ailleurs, ça n'est pas une variabilité qui s'exprime qu'au niveau de l'espèce humaine, car nous partageons ces 4 lettres avec toutes les autres espèces vivantes, les végétaux et les animaux, et les bactéries. Donc en fait, ces 4 lettres, de par leur utilisation, eh bien, elles créent une variabilité inter-espèce et aussi donc intra-espèce dans l'espèce humaine. Ces lettres sont très nombreuses. Il y en a 6 milliards dans chaque cellule de notre corps. Si on les imprimait toutes sur du papier, le livre obtenu ferait la hauteur de la tour Montparnasse, c'est-à-dire une tour de 60 étages. Cet énorme livre, c'est le mode d'emploi de notre corps. Il contient les gènes qui donnent toutes les instructions nécessaires à notre développement et à notre fonctionnement. Par exemple, c'est ce qui règle la contraction de nos muscles. La production d'anticorps qui nous protège contre les infections. Les hormones. Ou encore les enzymes qui orchestrent toutes les réactions chimiques de notre organisme. Ce qui est stupéfiant, c'est que tous les êtres humains partagent presque l'intégralité du même patrimoine génétique. Presque. Et c'est ce presque qui est fascinant. Prenons par exemple les cheveux blonds, bruns, roux, lisses ou crépus. Les yeux bleus, verts, gris, ronds ou bridés, les peaux mates ou blanches. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur la planète et nous sommes très différents physiquement. Mais pourquoi ? quoi? Evelyne Heyer est chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle va nous aider à mener l'enquête. Cette généticienne étudie les populations à travers le monde. On va dans les villages et on échantillonne, c'est-à-dire on prend soit du sang, soit de la salive d'individus pour ensuite pouvoir en extraire l'ADN. Et tous ces échantillonnages ont permis d'avoir un panorama général de la diversité humaine et ça a permis de montrer qu'on vient tous d'Afrique. De manière ancestrale, on ressemblait beaucoup plus à ces individus. Que l'on soit bolivien, mongol ou russe, à l'origine, on ressemblait donc tous à des homo sapiens venant d'Afrique. Mais pourquoi n'est-ce plus du tout le cas? Que s'est-il passé pour arriver à la diversité que nous connaissons aujourd'hui? C'est un mécanisme de sélection naturelle. C'est-à-dire que les gens qui portent un variant génétique sont mieux adaptés que d'autres à l'environnement où ils vivent, ils se reproduisent mieux ou ils survivent mieux. Donc le gène, la variation du gène qu'ils portent est mieux transmise à leurs descendants. Et au fil des générations, ce mécanisme se reproduit et donc ce variant génétique qui est mieux adapté augmente en fréquence dans les populations. L'exemple le plus frappant de cette sélection naturelle, c'est la couleur de la peau. On sait que les peaux noires sont mieux protégées que les peaux blanches contre les rayons du soleil. Mais à l'inverse, les peaux blanches sont un atout dans les pays peu ensoleillés, car elles permettent de mieux synthétiser la vitamine D, importante pour nos os. Du coup, quand les Homo sapiens, au départ à la peau foncée, ont migré vers l'Europe, ils se sont adaptés petit à petit. Les peaux claires étaient en meilleure santé, elles se sont donc plus reproduites, et en seulement quelques dizaines de milliers d'années, les Européens sont majoritairement devenus blancs. Alors il y a une autre sélection aussi, en plus de la sélection naturelle, qu'on appelle la sélection sexuelle. Dans ce cas-là, ce qui joue, ce n'est pas votre meilleure survie ou votre meilleure reproduction, c'est le fait qu'un trait physique soit plus choisi. C'est-à-dire que les gens qui portent ce trait physique, on dit, aient plus de succès reproductif. On pense que la sélection sexuelle aurait agi dans l'évolution des différentes couleurs des yeux chez l'homme, et notamment la couleur des yeux bleus. Les premiers hommes aux yeux bleus ont dû être particulièrement appréciés, donc préférés. Ils se sont donc plus reproduits. C'est ainsi que le caractère yeux bleus s'est répandu de génération en génération. À tel point qu'aujourd'hui, un Européen sur quatre a les yeux bleus. Mais ce n'est pas le cas ailleurs, car la sélection sexuelle est également culturelle. Les choix de beauté sont pas forcément toujours les mêmes d'une culture à l'autre. Par exemple, les yeux en amande dans les populations asiatiques, de la même manière la barbe dans les populations européennes, la pilosité masculine, qu'on retrouve pas sur l'ensemble de la planète. Après de nombreux millénaires d'évolution, nous allons donc encore nous transformer. Car fait relativement récent, les gens voyagent beaucoup, les populations bougent. De nouveaux aspects physiques vont donc voir le jour. Impossible de deviner à quoi nous ressemblerons dans quelques milliers d'années. Seule certitude, une nouvelle photo de famille de l'humanité est à prévoir. À Paris, à l'atelier des Lumières, Adriana et Michel continuent à explorer nos fascinantes différences. Ils ont rendez-vous avec des invités de marque. Le généticien Stanislas Lyonnais, directeur du prestigieux centre Imagine, spécialisé dans les maladies génétiques, et Teddy Riner, le meilleur judoka du monde, parrain du centre Imagine. Ça, en fait, ce qu'on voit, c'est... C'est nous. C'est notre code à nous. Ces lettres sont effectivement celles que nous partageons avec 99,9% des êtres humains. Pour aller chercher les variations entre Adriana, Michel et Teddy, il a fallu faire des analyses qui permettent de lire dans leur génome comme dans un livre. Cela s'appelle le séquençage. Faire la séquence de l'ADN de quelqu'un, c'est lire lettre à lettre, comme sur ces images, la composition, l'enchaînement de ce qu'on appelle les nucléotides, c'est-à-dire les lettres. Ça, c'est la bibliothèque de Teddy, d'Adriana, de moi, de tous les êtres humains. On parle souvent de choses au patrimoine mondial de l'humanité. Le génome est notre patrimoine mondial des humains. Sur le mur que nous voyons à gauche, les résultats spécifiques à Michel. Sur le mur du fond, ceux d'Adriana. Et sur le mur à notre droite, ceux de Teddy Riner. Mais là, ça paraît pareil, parce que vraiment pareil. Il y a 3T, GG. 3T, GG, GG. Là, pareil. Hein. Teddy, c'est 3T, G, G, A, C, A, T. C'est les mêmes. Bah, c'est l'image de la ressemblance de nos génomes à une position prise au hasard, où on a beaucoup plus de chances de trouver quelque chose d'absolument identique entre tous les trois. Mais puisqu'il y a seulement 0,1% de différence entre nous, c'est très peu. C'est très peu. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Vous allez avoir ici un G ou un C. Ici, chez Adriana, un C, mais ça peut être aussi un T. Toutes ces positions sont des sites de ce qu'on appelle des variants génétiques. Et ils sont immenses, ils sont très nombreux. Voici par exemple le grossissement d'une position d'un gène qui est impliqué dans la coloration de notre peau. Chez Michel, on va trouver à cette position un A. Chez Adriana aussi. Et chez Teddy, un G. En fait, on a affaire là à un variant G qui est trouvé à plus de 90% dans les populations originaires d'Afrique et le A dans les populations originaires d'Europe. Si l'on dispose de ces données, c'est parce que quelques jours avant, Adriana, Michel et Teddy Riner ont accepté de donner une partie d'eux-mêmes. Pour Adriana et Michel, la prise de sang a été organisée au Centre Imagine à Montparnasse, à Paris. La seule structure au monde où, dans un même lieu, sont rassemblées les équipes de recherche, un centre de référence en maladies rares et des services cliniques pour les patients. Pendant ce temps-là, à l'Institut du sport, de l'expertise et de la performance, docteur. Teddy Riner se prêtait à la même expérience. Tu vas bien, toi ? Ça va, toi ? Tu me fais pas mal, hein ? Non, jamais. J'ai peur des fumes, vous savez. On va faire. Faites pas de clones à partir de ce sang. Non. Pour Teddy, comme pour Adriana et Michel, la prise de sang n'a été possible qu'après la signature d'un consentement. Il s'agit pour le patient de rester maître de ses informations. Il peut se rétracter s'il ne veut plus faire l'analyse. Il peut préciser qu'il n'est pas d'accord pour qu'on recherche ses prédispositions à certaines maladies. Ou encore demander à ce qu'on détruise ensuite ces informations. Il faut que tu donnes ton bras là. Oh, pardon, c'est intéressant. Quant à savoir ce que valent les tests génétiques disponibles sur Internet, la question mérite d'être posée. L'an dernier, 26 millions de personnes dans le monde ont commandé ce genre de kit. En France, c'est interdit et passible d'une amende de 3750 euros. En quoi ça peut être dangereux ? La recherche des origines n'est pas dangereuse, mais il y a une façade qui est extrêmement dangereuse, qui sont les prédictions sur les tendances morbides, voire les déterminations de maladies génétiques, qui sont souvent fausses, voire même tragiquement fausses, ou inutiles. Elles sont d'ailleurs non tolérées par les lois de bioéthique en France. Séquencer, c'est facile. Interpréter, c'est très difficile. C'est ça qu'il faut comprendre avec la séquence. Je peux ? Ah oui, j'étais bien. Ce genre d'examen est proposé dans deux cas. D'une part, pour diagnostiquer une maladie génétique ou savoir s'il y a un risque de transmission d'une pathologie. D'autre part, dans un but de recherche. Les sujets sains, que sont Adriana et Michel, serviront de comparatif par rapport à des individus malades. Étape numéro 2, l'extraction de l'ADN à partir du sang d'Adriana et de Michel. On doit vous remettre nos petits échantillons. Échantillons de sang, bien sûr. Donc on va maintenant les mettre dans l'appareil, dans la machine qui va permettre d'extraire l'ADN. Donc ça va durer à peu près 1h15. Dernière étape, le séquençage, grâce à cet engin qui ressemble à une photocopieuse. C'est ce qui permet de lire les informations contenues dans le génome d'Adriana, de Michel et de Teddy Riner. Michel, Adriana, voilà, votre ADN est resuspendu dans de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il est transparent ici. Donc, dans ce laboratoire, on va faire toute une série de traitements pour séquencer l'ADN dans cet appareil. Et ça prend combien de temps? Alors, la lecture des ADN va durer 44 heures. 44 heures, ce n'est rien. À titre de comparaison, entre 1993 et 2003, il aura fallu 10 ans, la contribution de 17 pays et 3 milliards de dollars pour que soit rendu possible le tout premier séquençage d'un génome humain. Aujourd'hui, cela prend 44 heures, on peut traiter entre 24 et 40 génomes en même temps, et cela coûte environ 800 euros. Et c'est ainsi qu'on obtient les modes d'emploi des corps d'Adriana, de Michel et de Teddy Riner. Stanislas, est-ce que ça veut dire qu'on peut lire nos caractéristiques physiques par rapport, dans notre génome d'ailleurs? C'est un défi extrêmement complexe. Vous l'avez vu, il y a une multitude de gènes qui participent aux caractéristiques physiques. Vous avez ici par exemple tous les gènes, toutes les positions génétiques, on a identifié des variants qui jouent un rôle dans la taille. Et vous voyez que ce n'est pas un, mais ce sont des centaines. Teddy, tu étais toujours grand, même petit? Ouais, j'ai toujours été l'un des plus grands. Comment on l'explique? Très certainement, la combinatoire de gènes déterminée par l'hérédité, je peux faire un grand pari. Mes parents sont pas plus grands que vous. Comment on l'explique? Non. Alors? Faudrait faire un test de paternité. J'ai vu votre maman, je pense qu'elle est plus grande que moi. Non, ils sont tous les deux grands. Mais voilà, c'est ça. Ah, c'est plus vrai. Toute cette conversation fait appel à une notion qui s'appelle l'héritabilité, c'est-à-dire la part de l'hérédité, de ce qu'on hérite de ses parents, qui joue un rôle dans la différence entre les personnes. Et l'héritabilité de la taille est immense, c'est 80%. Donc le plus grand rôle dans la déterminisme de la taille d'une personne, c'est la taille de ses deux parents. S'il y a un seul moment où Teddy Riner s'est rapproché de la moyenne concernant la taille, c'est à sa naissance, 52 cm. Alors qu'il n'a que 8 ans, il dépasse déjà tous ses camarades et n'a pas l'air si petit à côté de David Douillet et de son maître 96. À 17 ans, Teddy atteint sa taille adulte, 2,03 m. Mais peut-on lire dans ses gènes des prédispositions au sport? Voilà une séquence extraite de HFE, qui est un gène qui joue un rôle dans le métabolisme du fer. Et on sait que le fer est important pour transporter l'oxygène et nourrir les muscles, et donc les aider à travailler plus. Et développer des globules rouges. Teddy possède un G, ce qui signifie ici qu'il a cette prédisposition. Mais Adriana aussi, contrairement à Michel qui, lui, a un C à la même place. Là, c'est les mêmes. Oui, moi, c'est les mêmes entre Adriana et Teddy. Mais c'est le même gène que 80% des champions olympiques ont. En fait, tu es en train de dire que moi, j'ai plus le génome d'un Michael Jordan et que lui, il a plus le génome d'un Forrest Gump. Yes, hein, c'est ça. Yes, c'est ça. C'est un perdant, lui. Hein. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire toi, tu l'as, Adriana l'a aussi, même si elle s'en sert pas, et moi, je ne l'ai pas. Est-ce que ça veut dire que je n'aurais jamais pu être un sportif de haut niveau, même avec des efforts? Sûrement pas, parce que d'abord, 20% du podium olympique est constitué de personnes qui sont exactement comme vous, Michel, et qui, avec un effort sportif, un entraînement incroyable, un déterminisme, la volonté l'emporte sur le génome, c'est ça qu'il faut retenir. Deuxièmement, c'est une des positions qui est liée à la réussite sportive, mais non pas au sport. L'appétence pour le sport, elle n'est pas génétique, elle est beaucoup plus culturelle, sociale, liée à la famille, à l'éducation. Et donc c'est tout ce dualisme entre ce qui ne nous programme pas, ni ne nous détermine, mais nous donne des tendances, et puis ce qu'on va essayer de faire pour dépasser le génome. Sans rigoler, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas le G en moi, mais je fais beaucoup de sport et je suis un besogneux. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup faire pour réussir à avoir des performances, pas de sportif de haut niveau, mais moyennes. Et c'est probablement parce que je n'ai peut-être pas, alors c'est pas sur une lettre qu'on va le décider, mais j'ai peut-être pas cette prédisposition à faire du sport, de haut niveau en tout cas. Et au vu de ce code génétique, est-ce que moi j'ai des... Par rapport à mon fils, ou à ma fille, avant qu'elle m'engueule, est-ce que je leur ai donné des prédispositions? À mon avis, le facteur le plus important pour en faire de grands sportifs, c'est l'exemple de leur papa, et pas leur génome. Bien sûr. Notre génome nous apporte cependant des informations assez étonnantes. Saviez-vous par exemple qu'être lefto ou leftard comporte une part génétique? De même que l'intolérance au lactose? ou le fait d'être particulièrement sensible à l'amertume et donc de ne pas pouvoir manger des aliments comme les endives ou les choux de Bruxelles. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcer les enfants de manger des choux de Bruxelles s'ils n'ont pas envie parce que ça se trouve que c'est génétique. Tes enfants, ils mangent des choux de Bruxelles? Oui, mais ils mangent tout parce que très tôt, on les a éduqués à ça. Mais... On ne dit pas ça parce que moi, j'ai éduqué ma fille, elle ne mange rien. Non, mais... Donc, ah oui? Ouais, elle ne va rien manger. Écoute, t'as envoyé chez moi en stage. Bon, cela dit, c'est un mot important qui a été lâché, c'est le mot éducation, parce que, au fond, toute l'éducation, toute notre culture, toute notre humanité, c'est d'essayer parfois de contredire notre génome, qui ne nous prédisposait pas à ça, mais malgré ça, on a réussi à quelque chose. Encore plus étonnant, comme nous recevons nos gènes de nos parents, qui les ont eux-mêmes hérités de leurs parents, etc., nous portons en nous l'histoire des générations qui nous ont précédés. Des générations parfois très anciennes. Ici, en rouge, les régions où l'homme de Néandertal a vécu. En Europe, donc. Entre moins 60 000 et moins 40 000, on sait qu'il a fricoté avec Homo sapiens. Et cela se voit jusque dans notre génome. Le génome des populations d'Europe, que vous voyez ici un peu plus rouge, a une contribution d'à peu près 2% de génome de Néandertal. Et donc, les Européens qui ont rencontré Néandertal ont ces traces que n'ont pas les personnes d'Afrique qui n'ont pas rencontré Néandertal. Ah, mais c'est un truc de fou. Et nous, on porte cette histoire avec nous dans notre génome. Exactement. Et voici ici, par exemple, un segment d'ADN qui a été grossi. Et c'est sans surprise qu'on voit qu'il y a chez Michel la lettre C. C aussi chez Adriana et chez Teddy, T, qui est la trace du génome sans la contribution Néandertal. Ces informations n'ont rien d'anecdotique, car les traces de Néandertal dans le génome pourraient être un des facteurs de prédisposition aux formes graves de la Covid. Voilà pourquoi les populations d'origine européenne sont statistiquement plus touchées que les populations d'origine africaine. Merci beaucoup Stanislas pour ces explications. Teddy, un grand merci d'être venu puis d'avoir passé un petit peu de sang. Mais maintenant on te connaît un peu plus de l'intérieur. Si je puis dire. Ouais. Merci de ta participation. Nos jeunes sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Mais vous aurez compris que la science avançait à pas de géant. La plupart du temps, pour le meilleur, c'est-à-dire guérir des maladies. Mais parfois, pour le pire. Reprenons l'image du mode d'emploi de notre corps. Un mode d'emploi écrit avec une succession de 4 lettres. Une seule faute de frappe dans le texte suffit pour qu'une maladie génétique survienne. Maintenant, imaginez qu'un logiciel très performant nous permette de retrouver cette faute parmi des milliards d'autres lettres. Comme un traitement de texte, on pourrait sélectionner cette faute, la supprimer, puis la remplacer par la bonne lettre. Cette technologie, c'est CRISPR-Cas9. Et derrière cet acronyme complexe se cache une découverte révolutionnaire. Aude Bernheim, chercheuse spécialisée en génétique moléculaire, va nous aider à mieux comprendre. Les CRISPR-Cas9, la façon la plus simple d'imaginer, c'est vraiment des ciseaux moléculaires. C'est quelque chose qui va être capable de couper. Mais c'est pas des ciseaux qui vont couper tout et n'importe quoi. C'est des ciseaux qui vont couper à un endroit très précis. Et ça, c'est une fonction qui est très spécifique. Voici les fameux ciseaux moléculaires. Ça, c'est la molécule qui va jouer le rôle de GPS au cœur de la protéine Cas9 pour conduire le système jusqu'à l'endroit précis du gène que les chercheurs veulent couper. Lorsque le bout d'ADN recherché est identifié, c'est la protéine Cas9 qui va couper pour inactiver le gène malade. CRISPR-Cas9 peut couper, mais il peut aussi réécrire l'ADN en quelque sorte. On peut greffer une version saine, ici en violet, qui va venir remplacer la partie coupée qui contenait l'erreur. Cet outil génétique révolutionnaire vient du monde des bactéries. Il a été mis au point en 2012 grâce à la collaboration de 2 femmes scientifiques. Une Française, Emmanuelle Charpentier, et une Américaine, Jennifer Doudna. Le retentissement dans le monde scientifique est tel qu'en 2020, elles reçoivent la plus prestigieuse des récompenses. The Royal Swedish Academy of Sciences L'Académie royale suédoise des sciences a décidé aujourd'hui de décerner le prix Nobel de chimie 2020 à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna pour le développement d'une méthode d'édition du génome. La révolution CRISPR est en marche. Modifier le génome d'une cellule devient possible. Une technique simple, efficace et peu coûteuse qui se répand comme une traînée de poudre dans les laboratoires scientifiques du monde entier. Au moment où cette technologie est apparue, il y a eu des articles qui sont sortis dans les plus gros journaux scientifiques de directeurs de recherche qui disaient, bah, moi qui croyais pas trop, mais je me suis dit, ah, si c'est si facile et si bien, bah, je vais donner ça à un stagiaire qui a eu un ou une stagiaire qui vient d'arriver et lui dire, bah, vas-y, utilise-moi et fais-moi cette modification génétique. Et contre toute attente, une semaine plus tard, là où la stagiaire qui avait à peine fait de la biologie moléculaire ramenait des résultats qui auraient auparavant pris plusieurs années à faire. Et ça, ça démontre vraiment à quel point cette technologie fonctionnait efficacement et à quel point, du coup, ça a été adopté très vite par une grande majorité de scientifiques. Pourra-t-on un jour guérir des maladies génétiques chez l'homme à coups de ciseaux? C'est l'espoir d'Anna Buche-Bello, chercheuse spécialisée dans les thérapies géniques au Généton, un des laboratoires pionniers dans la recherche. Elle travaille depuis 7 ans avec la technologie CRISPR-Cas9. Cette solution miracle se conserve tout simplement à moins 20 degrés. Voilà, c'est dans ce congélateur donc, qu'on garde le système CRISPR-Cas9. Donc ces petits tubes représentent une avancée importante parce que ça nous permet de faire la chirurgie dans les gènes. Anna travaille en particulier sur le gène responsable de la maladie de Stenner, une anomalie génétique qui touche une personne sur 8000 en France et qui se caractérise par un affaiblissement des muscles. Donc en fait, c'est très rapide, c'est que 30 minutes. Oui. En 30 minutes, Cas9 a fait sa fonction de couper à l'endroit précis. Les premiers résultats de l'équipe, encore limités à l'expérimentation sur des souris, sont très encourageants. Mais pour d'autres maladies, des essais cliniques sont déjà en cours chez l'homme. Et c'est aux États-Unis qu'il faut se rendre pour voir les premiers patients soignés grâce à CRISPR-Cas9. En juillet 2019, à Nashville, une femme de 35 ans, Victoria Gray, a ainsi guéri de la drépanocytose, une maladie génétique du sang. Au bout d'un mois, elle n'éprouvait plus ces atroces crises de douleur et n'avait même plus besoin de transfusion sanguine. Autre cas à Portland, à l'ouest des États-Unis. Des médecins ont utilisé CRISPR-Cas9 directement dans l'œil d'un patient afin de le guérir d'une maladie qui lui faisait progressivement perdre la vue. Plus de 3000 laboratoires dans le monde utilisent CRISPR aujourd'hui. Dans l'espoir de soigner des maladies génétiques rares, mais pas seulement. Les grands domaines à être les premiers ciblés par ce type de thérapie, on va dire, rentrent dans trois catégories. On a les cancers, les maladies du sang et des maladies de la cécité, mais de la cécité héréditaire. Mais bien sûr, ça va aller bien au-delà par la suite et les gens imaginent des thérapies à potentiellement des maladies extrêmement variées et on pourrait parier que presque pour toutes les maladies, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec des CRISPR. Des possibilités quasi infinies, mais qui ne sont plus réservées aux scientifiques. Depuis quelques années, des biohackers, ces pirates de la biologie, militent pour que CRISPR-Cas9 soit accessible à tous. Exemple avec ces kits disponibles à la vente sur Internet. Dans l'état du Mississippi, David Aeschi a créé son laboratoire de fortune au fond de son jardin. Depuis 2015, ce père de famille, qui n'a aucune formation scientifique, passe des milliers d'heures à faire des expériences farfelues en live, les yeux rivés sur son microscope. Et son dernier projet, c'est de faire gonfler ses muscles. En fait, je vais utiliser CRISPR pour modifier le génome d'une bactérie, pour qu'elle soit meilleure, enfin plus utile pour moi, pour créer une sorte d'étrange petit bout d'ADN dont j'ai besoin. Je pourrais ensuite l'ajouter à mes cellules. Quand on fait ça à des souris, ça les rend plus musclées, plus athlétiques et plus minces. Si on compte le nombre d'heures passées à travailler dans mon laboratoire, j'aurais pu à la place faire de l'exercice physique pour obtenir le même résultat, mais bon. Il prévoit de s'injecter sa solution CRISPR d'ici quelques mois. Aucune efficacité pour l'instant n'a été prouvée et il n'est bien sûr pas question de refaire l'expérience à la maison. Mais on imagine bien les perspectives incroyables qui découlent de cette technologie. Des champignons modifiés qui ne brunissent pas, aux moustiques stériles pour éradiquer le paludisme, jusqu'à, pourquoi pas, un jour, l'immortalité. Une chose est sûre, ces ciseaux-là ne sont pas à mettre entre toutes les mains. L'aventure d'Adriana et de Michel touche à sa fin. Ils retournent à l'atelier des Lumières pour faire le bilan de cette expérience qui figure parmi les plus passionnantes qu'ils aient partagées. C'est beau Paris comme ça. C'est magique, comme c'est beau. Alors donc, notre patrimoine génétique, c'est ce que nous sommes. C'est ce qu'on transmet à nos enfants, c'est ça? Et puis l'épigénétique, c'est ce qu'on peut un peu influencer en partie avec notre mode de vie. C'est hyper intéressant cette partie, car tu te souviens quand on a observé des abeilles, ouais. Avec notre alimentation, avec notre activité physique. On peut devenir une reine. On peut devenir, pas une reine, mais on peut en tout cas améliorer notre la donne. Si on veut. Et moi je suis persuadé, et je ne suis pas tout seul, je suis persuadé que l'avenir de la médecine et peut-être de l'humanité, ça va être ça. Ça va être comment prendre la mesure de ce qu'on peut faire pour modifier nos gènes et augmenter notre espérance de vie en bonne santé. Et le seul exemple de l'activité physique est extraordinaire. Avec de l'activité physique, on modifie nos gènes pour nous permettre de vivre plus longtemps et 3 mieux. 3 heures par semaine. Il faut que ce soit régulier. Et 1 heure par jour pour les enfants. Et après, on a appris beaucoup sur nous-mêmes. Tu te souviens quand on a fouillé dans nos cellules? Ouais. Là, on s'est aperçu que, par exemple, tu as beaucoup de Néandertal en toi. Et il ne faut pas mal prendre, parce que Néandertal, c'était un grand mec, costaud, musclé, viril. Donc, c'est plutôt un compliment. Incroyable que tu me décris. Concentrons-nous sur le texte. Allez, on y va. C'est déjà pas facile. Nous aurons du pain doré comme des filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons dans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promène, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à 2 pas de l'étoile les jours de avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par « Je t'aime, vienne, vienne, alors » Yeah, no, no. détracteurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? On est sur un sujet très technique, dont très peu de personnes ont la maîtrise, qui en plus est évolutif, tout le monde ne connaît, enfin voilà, même les grands scientifiques ne savent pas tout de la Covid, bien sûr. Et comment expliquer, eh ben, qu'il y ait eu, voilà, une focalisation sur une personne et des camps comme ça qui peuvent s'affronter de façon aussi violente? Alors, on revient à ce, au même principe. C'est une sorte de grille de lecture qui est, c'est l'incertitude et l'ambiguïté. On a un nouveau virus qui arrive, on ne sait pas grand-chose. Du coup, on a énormément d'incertitudes, donc on peut mettre de soi. Il y a des personnes, comme par exemple le professeur Raoult, et je ne suis pas infectiologue ou quoi que ce soit, donc je ne vais pas commenter le fond. Voilà. C'est plus genre, d'un point de vue de formation d'opinion, de raisonnement critique, etc. Mais il y a une personne qui va venir et dire « moi j'ai la solution, et j'en suis certain ». D'autres personnes qui disent « non, on ne le pense pas ». Automatiquement, on va créer ce clivage. C'est que c'est pas qu'il y a une sorte d'incertitude qui est exprimée. Il y a quelqu'un qui dit « c'est ça », et les autres qui disent « c'est pas ça ». Donc, dans le discours du professeur Raoult, dès le début, c'est très clivant. Et que ça soit même quand il change d'avis. C'est-à-dire, si on regarde ses vidéos, au début, il disait « c'est pas important, ça va causer moins d'accidents que des trottinettes », et il était sûr. Puis, j'ai trouvé et c'était sûr. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est l'expression de l'incertitude et la gestion de l'incertitude dans le débat public. Indépendamment de si son traitement fonctionne ou pas, etc., je suis vraiment pas la personne la mieux placée pour en parler, mais une opinion ne devrait pas être importante, même si j'en ai une, mais c'est l'expression de l'incertitude. Et quand on a des camps qui expriment une certitude, automatiquement, elles vont se polariser. Parce qu'au bout d'un moment, le camp d'en face aussi disait avec certitude, son protocole ne marche pas. Après un peu plus de temps, ça a mis un peu plus de temps pour que la certitude aussi arrive dans l'autre camp. Mais automatiquement, c'est étonnant comme qu'il y ait eu un positionnement de toute une partie de la population française qui n'a quand même, sur le fond, vraiment pas la connaissance de tout ça, qui puisse se mettre dans un camp ou dans un autre. C'est parce que les Français qui se mettent dans un camp ou dans un autre ne se mettent pas dans un camp ou dans un autre sur le traitement, mais sur ce que ça représente. Il faut se dire que Didier Raoult, il vient avec pas seulement son traitement, mais aussi une posture anti-système, une posture de les élites contre moi, une posture de Paris contre Marseille, une posture de le pouvoir, les gouvernements, les labos pharmaceutiques. Moi, je suis un peu, c'est un peu une figure de anti-système quelque part, on va dire. Alors que c'est pas vrai, vu qu'il dirige un IHU, donc c'est anti-système à fond. Mais du coup, si moi, je suis un citoyen qui a des a priori, on revient à cette notion d'a priori, où je fais pas confiance au gouvernement, ou bien je suis contre les labos pharmaceutiques, où je cherche une sorte de posture idéologique anti-système, moi, je vais me retrouver dedans. Mais ça a rien à voir avec le traitement. Le traitement, c'est vraiment genre le dernier truc qui va faire que quelqu'un va se cuisiner, parce que comme vous dites, on est incapable, si on n'a pas fait des études de virologie, etc., on est incapable de savoir se positionner sur ce sujet. Mais je peux me positionner, selon mes a priori, sur ce que ça représente. Et c'est là où ça va se polariser. Mais ça vient de mes a priori plus que de la réalité. Un mot sur le traitement médiatique de la Covid. Vous dites qu'un véritable expert va souvent avoir moins confiance dans son opinion, souvent qu'un non-expert. Est-ce que c'est problématique pour les médias, justement, qui recherchent souvent des experts avec des avis très tranchés pour des débats contradictoires? Est-ce que c'est aussi cette recherche de débats contradictoires dans les médias qui fait qu'on peut aller rechercher plus facilement peut-être des non-experts? Alors ça, c'est vous qui pouvez me le dire, comment vous choisissez les personnes qui interviennent chez vous, mais par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que je pense que ça vient aussi d'une vision dépassée des humains, où on croit, à cause d'une vision un peu paternaliste, que les gens ont besoin d'être rassurés, que les gens ne supportent pas l'incertitude, que les gens aiment pas qu'on leur dise qu'on sait pas. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, nous, quand on regarde dans nos recherches, quand on prend des gens et on fait des expériences pour voir comment est-ce qu'on supporte l'incertitude, on voit que les gens, si on leur explique pourquoi on est incertain, ça marche relativement bien. Est-ce que ça fait plus ou moins d'audimat? Je m'y connais pas. Là aussi, c'est pas mon sujet d'expertise. La manière d'organiser le territoire. Vous savez que les Verts ont plutôt une logique fédéraliste avec les Länder à l'allemande, et que nous, c'est plutôt une logique jacobine avec la République plutôt centralisée. Mais le point vraiment qui est le plus saillant entre nous, c'est bien évidemment la question européenne. Et nous le disons très clairement. Nous ne pourrons pas procéder à l'application d'un programme comme le nôtre sans rompre avec les actuels traités européens, que d'ailleurs les Français qui nous écoutent ont refusé une majorité en 2005. C'est la différence qui est fondamentale, en effet, entre nous et les Verts. Il y a d'un côté, effectivement, ceux qui disent clairement, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il faut redonner le pouvoir au peuple par la VIe République, et que, contrairement à ce que disait M. Juncker, vous en souvenez, de la Commission européenne, lui disait, il n'y a pas de démocratie possible contre les traités européens. Ben nous disons, il n'y a pas de traité européen applicable contre la démocratie et la souveraineté populaire, puisqu'en République, le peuple est souverain. Je me souviens d'un mot de cette photo que vous aviez tweeté dans votre permanence à l'occasion du 1er mai avec Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Sandrine Rousseau. Oui. Si elle l'emportait dans cette primaire écologiste, tiens, là, voilà la photo. Elle est belle, cette photo. Ça veut dire que... Quoi, elle pourrait se retirer et rallier une candidature de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, laissons la primaire se dérouler. En attendant, ce que dit cette rencontre, et c'est un secret pour personne, de la même manière qu'Éric Piolle qui est venu nous voir à nos amphis d'été, c'est qu'en effet, parmi les candidats, il y a des gens avec qui nous sommes plus convergents sur la manière de s'y prendre pour faire bifurquer notre économie face au changement climatique, en effet. Donc laissons-les se débrouiller. Nous pensons que la primaire n'est pas une bonne solution pour la raison d'abord que la primaire, elle fait qu'on se parle à soi beaucoup. Hein ? Regardez, par exemple, ils nous annoncent un socle de participants qui est de l'ordre de 30-35 000 personnes, et encore, ils sont pas toujours d'accord sur les chiffres. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, sa candidature, elle est soutenue par 250 000 citoyens qui l'ont parrainé. Voilà. Un dernier mot, s'il vous plaît, Adrien Quatennens. Dans quelques secondes, sur ce plateau, il y aura Samia Maktouf, qui est avocate. Il y aura également Patricia Correa, qui a perdu sa fille dans les attentats du 13 novembre. Vous vous souvenez où vous étiez, ce que vous faisiez ce soir-là? Très bien. J'étais à Paris, d'ailleurs, dans le 11e arrondissement. Et j'étais chez des amis avant de me rendre d'ailleurs à un sommet politique le lendemain. Et donc j'ai toute la soirée vu les sirènes passer dans la rue. Et je me souviens très bien de l'ambiance atroce de cette soirée. Oui. Et donc on espère, comme tout le monde, d'abord on a un mot de compassion pour les victimes. Parce qu'à un moment comme ce procès, forcément ça rouvre des plaies qui souvent ne sont pas cicatrisées. Et on espère que la justice passe, qu'elle soit sévère. Et aussi, je le dis, que l'échéance que nous allons avoir permette de discuter concrètement de la lutte contre le terrorisme. Parce que voyez par exemple ce qui se passe en Afghanistan, on voit le résultat, la débâcle de 20 ans de guerre. La guerre n'est pas la solution ultime contre le terrorisme, je le dis. On a mieux à faire. Merci beaucoup, merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous ce soir. Leur chantait des tas de chansons, d'Yes Iré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter, et puis après, pam pam pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis après, bon, bon, bon, bon, bon. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire Flammarion. C'est un livre qui est consacré à d'autres attentats terribles dont nous célébrons cette année les 20 ans. En sont victimes, évidemment, c'est du 9 septembre, du 11 septembre aux États-Unis. Le soir du 13 novembre 2015, je vais y arriver, dites-moi, excusez-moi, je suis un peu confus. Le 13 novembre 2015, voilà ce qui se passe sur l'antenne de BFM TV. Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir dans le 10e arrondissement de Paris. La fusillade, nous dit la police, est toujours en cours. Il y a 7 blessés pour l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment à Paris, en plusieurs endroits, 3 lieux visiblement, le 10e, le 11e et aux abords du Stade de France? J'ai vu des scènes horribles, des morts partout, des blessés, des gens qui hurlaient à la... C'était horrible, horrible à voir. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. J'ai jamais vu autant de personnes mortes autour de moi toute ma vie. Il y a encore 25 minutes, on a entendu des détonations, des bruits assez sourds, étouffés. C'était probablement l'assaut qui était mené par les hommes de la BRI. Un bilan impensable, 120 morts, 200 blessés, 80 graves. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de notre pays. Les terroristes s'étaient retranchés dans le Bataclan vers 21h30 après avoir semé la terreur dans les rues avoisinantes, comme l'en attestent ces images. Durant moins d'une heure, les hommes qui auraient procédé à visage découvert ont tiré sur les passants et les personnes assises aux terrasses des cafés et des restaurants. Un massacre perpétré de sang-froid. Je crois que tout le monde se souvient, Marc Trévidic, ce qu'il faisait ce soir-là. Vous, que faisiez-vous? Je rentrais de Lille. J'avais été nommé à Lille justement en septembre 2015. Et le vendredi soir, je rentrais de Lille pour rejoindre ma famille. Et je suis arrivé chez moi et ils étaient devant la télé et ils me les regardent. Et donc j'ai regardé et voilà, et puis j'ai commencé à avoir des coups de téléphone, des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment réalisé que ce qui se passait quand le mot Bataclan était prononcé, en fait. Et ça m'a ramené tout de suite à la dernière affaire que j'avais eue de terrorisme islamiste, le 15 août, quand j'avais eu Red Aram devant moi, qui m'avait dit qu'Abaoud voulait faire un concert de rock. Évidemment, j'ai fait la liaison immédiatement, donc. C'est la première chose à laquelle vous avez pensé lorsque vous avez pris connaissance de ce qui se passait? Oui. Dès qu'on m'a parlé de la salle du Bataclan pendant un concert, tout de suite, voilà, je me suis souvenu de ça, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est ça, c'est ce qui était prévu, donc voilà, ça a été immédiat. Ouais. Est-ce que le réflexe, il est professionnel? Est-ce que comme un chirurgien qui opère, il ne peut pas faire preuve de trop d'empathie parce que sinon il va rater son opération, est-ce que ce moment-là, c'est le professionnel qui a repris le pas, ou est-ce que en tant que citoyen, que Français, qu'habitant de Paris, vous avez été aussi touché, dévasté, attristé? Mais complètement, d'autant que comme tout le monde, à Paris ou en région parisienne, on a sa fille ou quelqu'un qu'on connaît qui habite dans le quartier, c'est le cas de mon fils aîné, si vous voulez. Donc on essaie de les avoir au téléphone, il y a des choses comme ça qui se créent. Mais c'est surtout, c'est plus que de l'empathie, c'est, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec une prise d'otage. Enfin, c'est clair, c'est un carnage, c'est sûr. Enfin, j'étais vraiment hyper pessimiste d'emblée. Voilà, pour moi, c'était de la configuration comme m'avait décrit Reda. C'est-à-dire, on doit faire une salle en tirant dans le tas, quoi. Alors, Red Aham, vous l'avez en face de vous en août 2015. Vous l'avez auditionné, il est dans votre bureau, c'est un djihadiste. Il accepte de parler. Oui, complètement, oui. Il vous parle et il vous alerte. Alors, derrière vous, vous avez décidé d'alerter l'opinion publique aussi, nous allons y revenir. Mais d'abord, je voudrais m'arrêter sur ce moment dans votre bureau en août 2015. Expliquez-nous. Qui est cette personne que le grand public ne connaît pas et que vous dit-il ce jour-là? Alors, c'est une personne qui a été entraînée par Abaoud personnellement, qui a entraîné pas mal de personnes qui étaient d'accord pour aller faire des attentats en France ou en Belgique, qui les a entraînés à tirer dans la foule, quoi. Alors, soit par la calache ou en lançant des grenades, et qui donc a eu un entraînement assez intensif, qui bénéficiait de papiers permettant de rentrer en France, et qui faisait partie d'un groupe plus vaste, il nous a tout expliqué. Il était revenu d'ailleurs avec quelqu'un qui, lui, était parti en Espagne, vous voyez. Donc, en fait, il a expliqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été, comme ça, balancés en Europe, Et qu'ils attendaient le feu vert, hein, concrètement. Ils avaient même une, lui en ce qui le concerne, il avait une clé de cryptage pour en messagerie privée pouvoir rentrer en contact avec Abaoud. Il attendait les consignes, la cible exacte et comment récupérer les armes. Voilà. Mais c'est surtout l'organisation et c'est surtout la façon dont il dépeignait la volonté d'Abaoud à tout prix de taper la France qui m'a fait peur. On le savait déjà parce que le Thalys, on avait eu beaucoup de chance. Faut être honnête. Ils auraient été 2-3 dans le Thalys, ça aurait été un massacre comme ça. C'est un homme qui était mobilisé par des Américains qui prenaient oui, ce voilà, train. Mais il était tout seul. Ils auraient été 2-3. Vous comprenez bien que ça faisait le Bataclan. Parce que dans un Thalys, il y a un Kalash. Bon. Donc en fait, on a eu plusieurs fois des tentatives. Et la force d'Abaoud à cette époque, il avait énormément de volontaires. Il pouvait se permettre d'échouer 9 fois sur 10. Et c'est là où on était perdant. Parce que quand on a tant de monde comme ça, tant de volontaires pour faire les attentats, fatalement, à un moment ou à un autre, il y en a un qui va marcher. Alors, je reviens à Redham. Ce qu'il vous explique dans ce bureau, c'est qu'on lui a demandé s'il était volontaire pour participer. Oui. C'est une expression professionnelle que vous utilisez pour faire une salle de spectacle, c'est-à-dire arriver, tuer le maximum de gens. On lui fait la proposition concrète. Tout à fait. Alors lui, évidemment, il dira, il a été jugé, mais il dira, moi j'ai dit OK pour pouvoir déserter l'État islamique. Bon, qu'est-ce que voulez-vous qu'il dise ? Mais en tout cas, il a donné tous les détails, et des détails très clairs, parce qu'il reconnaissait sur photo les personnes intéressantes, etc. Donc on peut dire qu'il a donné beaucoup d'informations qui crédibilisaient beaucoup ce qu'il nous disait. Donc c'était vraiment, vraiment, ça m'a énormément inquiété, et on était tellement débordés à l'époque, on arrivait tellement à pas du tout, on maîtrisait pas du tout les retours des djihadistes en France, pas du tout. J'ai eu plein de dossiers où les gens ont fait des allers-retours. C'est-à-dire, ils sont venus en France, ils ont recruté, ils sont repartis en Syrie, ils sont repartis en France, ils sont repartis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, nos frontières, rien du tout, on contrôlait que dalle. Alors, à ce moment-là, Marc Trévidic, vous êtes tellement alerté que vous choisissez à votre tour d'alerter l'opinion publique. Je le disais, on va le voir, vous donner une interview à Paris Match. Vous racontez ce qui vient de se passer. Pourquoi est-ce que vous décidez de le faire comme ça? Le processus normal, ce serait de passer par, je ne sais pas, le ministère de l'Intérieur, d'alerter les autorités. J'imagine que vous l'avez fait. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que j'avais vraiment envie que les gens comprennent que ça allait être très dur. Je sais pas. Je trouve, oui, il y a eu ce côté Charlie Hebdo. Vous voyez, il y a eu le côté, ça nous a tous choqués profondément, des gens qu'on connaissait, voilà. Mais finalement, on l'a mis à part. On n'a pas compris que c'était qu'un début, que c'était particulier, mais que les gros attentats indifférenciés, les massacres allaient venir. Il y a une certaine apathie qui s'est réinstallée, alors qu'elle était complètement contradictoire avec la réalité du terrain. La réalité était qu'on maîtrisait rien. D'un côté, vous avez mis ça à l'intérieur qui vous donnait des chiffres, hein, 2700 Français sont partis, etc. Je ne sais même pas d'où ils sortent ces chiffres, puisque je vous dis, il y en a plein qui sont partis, on ne savait même pas qu'ils étaient partis. Donc, il y avait ce discours-là qui m'exaspérait un tout petit peu, finalement, parce que c'est pas vrai. Rien n'était sous contrôle. Et c'était le but de semaine d'alarme, point. Hein. Moi, je partais, ok, je pars. Et je tenais à dire que ça allait très très mal tourner très très prochainement. Est-ce que ça a servi? Non, je pense pas. je sais pas comment ça a été perçu, certainement pas très très bien à l'époque que je dis ça, et je sais pas du tout pour effrayer les gens, mais c'était pour leur dire soyez très attentifs, faites attention, on n'y arrive pas et il va y avoir des gros attentats, c'est tout. Je reprends la machine à voyager dans le temps et je reviens au moment où vous rentrez de Lille, le 13 novembre, chez vous, auprès de votre famille. Vous dites, j'imagine, il y a 2 mois, j'aurais peut-être instruit, j'aurais peut-être été là oui, travailler. J'aurais instruit d'ailleurs, j'aurais instruit fatalement. À partir du moment où le 15 août j'étais en fonction, que j'ai ce dossier Redham sur une préparation d'attentat sur un concert de rock par Abaoud, j'aurais nécessairement eu les mains là-dedans, si vous voulez. Et c'est un grand regret, voilà, c'est sûr que c'est pas moi qui aurais pu empêcher ça, si vous voulez. Mais de participer à peut-être, à cette action qu'aurait pu peut-être, avec tout le monde, en mobilisant tout le monde, à arriver, on sait jamais, à limiter quelque chose, je sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, être inactif, vous voyez, être mis au rancard et pas pouvoir aider, même, je sais pas si j'aurais été efficace, c'est pas la question, mais ça, c'était dur à avaler. Dans quelques instants, nous allons nous pencher sur le cas de Salah Abdeslam. Il est le seul survivant de ce commando terroriste. Il sera là physiquement, cours d'assises spéciales de Paris mercredi. Avant ça, je voudrais m'intéresser à un autre membre de ce commando que vous avez eu face à vous. C'est Sami Amimo. Vous l'avez eu dans votre bureau en 2012. C'est un des tueurs du Bataclan. Il part en Syrie, il revient, et c'est pour ça que vous le recevez. Est-ce que lorsque vous avez cet homme face à vous, et pour que les gens comprennent, est-ce qu'il est évident qu'il peut perpétrer ce type d'acte? Est-ce que vous y pensez? Non. En 2012, il était dans un groupe de 3 personnes, 3 jeunes copains, qui voulaient aller au Yémen, en fait, à la base. Et il a été mis en examen pour ça, un projet d'aller au Yémen. Il était en contact à l'époque avec aucun groupe terroriste. Donc il nous est présenté par le parquet, je suis avec un collègue sur ce dossier. D'ailleurs, le contre-judiciaire est requis, initialement. Il va être sous contre-judiciaire pendant 1 an, il va bien se comporter. Et après, il va y avoir l'État islamique et l'appel d'air. Et dans tous nos dossiers, toutes les personnes qui étaient sous contre-judiciaire, eh ben, sont parties. On n'a pas respecté, et pas que ces 3-là. À l'époque, on avait pour théorie que les jeunes qui n'étaient pas encore dans un groupe terroriste, qui n'avaient pas été encore formés, il ne fallait pas qu'ils quittent la France. On essayait de les empêcher de quitter la France, parce que ce qu'on se dit, s'ils tombent entre les mains de ce groupe terroriste, ils vont être fanatisés, ils vont devenir des bêtes à tuer, quoi, des machines à tuer. Et c'est ça qui se passe là-bas, c'est le sens de ma question. Tout à fait. Qui est la personne que vous avez face à vous? Parce que pour le grand public, c'est un monstre absolu, non, cet homme qui a tué au Bataclan. C'était absolument pas le cas. D'abord parce qu'il n'avait jamais tué personne, il n'avait jamais été sur zone de guerre, il n'était jamais entraîné militairement, il avait un fond dogmatique très faible, et à l'époque d'ailleurs, il ne pensait même pas à la Syrie, il voulait aller au Yémen. Donc non, c'est pas ça, le problème c'est qu'on ne comprend pas, ce sont des machines d'État islamique à créer des monstres. Mais à la base, il n'est pas né monstre, si vous voulez, hein. Aucun terroriste n'est né monstre, il y a un moment donné de basculement. Généralement, quand on va dans des zones de guerre, on fait des atrocités, on vous fait exécuter des otages, il y avait notamment ce petit jeu, entre guillemets, hein, qui était pour les petits jeunes un peu incertains de les faire égorger des otages sur la place de Raqqa le vendredi. Comme ça, après ils ont passé le Rubicon, si vous voulez, hein, du sang. Un point de non-retour. Bah oui, c'est le point de non-retour. Donc voilà, et donc c'est pour ça qu'il fallait éviter que ces jeunes partent, mais on n'a rien pu faire, parce que la Turquie les laissait passer. Si on refaisait toute l'histoire, on verrait à quel point on n'a pas été aidés aussi. Tous ces volontaires qui sont allés en Syrie, que la Turquie laissait passer, c'est ça la réalité. Parce que les Turcs pouvaient très bien bloquer tout dès le départ, hein. Ça n'a pas été le cas, parce que ça les arrangeait, qu'ils luttent contre Bachar el-Assad. Donc voilà, c'est toujours ces histoires-là, politiques, des calculs des uns et des autres qui font que ce groupe a grossi. Mais jamais j'aurais imaginé qu'Amy Moore puisse devenir le tueur qu'il a été au Bataclan. Quand vous avez su qu'il y était? Écoutez, j'ai eu la même sensation que quand j'ai su que d'autres personnes que j'ai vues, que la personne qui avait tué le prêtre aussi, la personne qui avait tué les policiers, le couple de policiers de Marie, ces gens-là, je les ai dans mon bureau tous. Il y en a qui ont été condamnés, qui ont eu leur peine, qui sont sortis après. Qu'est-ce que vous vous dites? Je parle plus uniquement au juge d'instruction que vous avez été. Je parle à la personne, à Marc Trévidic. Vous dites quoi quand vous découvrez ce nom, ce visage? Et vous repensez aux entretiens que vous avez eus? Tout à fait. Il y a des personnes, je ne pensais pas qui deviendraient aussi dangereux. Il y en a d'autres que j'ai eues devant moi, j'étais certain qu'ils étaient dangereux et qu'ils le resteraient, comme les clins, par exemple. Ouais. Et donc, ça dépend des gens et la perception que j'avais eue. Donc, il y en a, je suis surpris, il y en a, je suis pas surpris du tout. Mais le problème, il n'est pas là. Ce sont les gens, ils passent entre nos mains, ils sont jugés, ils prennent une peine, ils sortent, et on les condamne, non pas pour ce qu'ils pourraient faire, mais pour ce qu'ils ont fait. C'est le droit en France. Et oui, c'est le droit, mais c'est logique aussi. On peut pas condamner les gens pour ce qu'ils n'ont pas encore fait. Voilà, on n'a pas une boule de cristal. C'est la limite de la justice, c'est la limite de la sécurité qu'on peut amener aux Français. Par contre, les Français ont le droit de se poser la question, est-ce qu'on était assez sévère à l'époque? Effectivement, non. Mais voilà, c'était avant. Alors, le seul survivant de ces commandos terroristes du 13 novembre, c'est Salah Abdeslam. Il sera donc dans le box mercredi. Campicité dans la débine. La méca est dans la mafia. Un coup de sourdine, dessus de combine, et ta vie ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine. Et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourriche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand quand tu chantes, c'est la bohème, et la mafia, elle aime pas ça. Tu vas traîner tes rengaines le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muchons en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as cabaret ce qui t'embête, avec des X, avec des X. Ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches, alors tu seras sur l'affiche, Apocatix, Apocatix. Une déclaration catastrophique, parce qu'elle a dit « je savais tout, j'avais tout prévenu ». Si c'était vrai, pourquoi elle a quitté son ministère? À mon avis, c'était une déclaration de dépit d'un échec électoral. D'ailleurs, on peut rappeler qu'il y a eu des perquisitions au mois d'octobre dernier, justement parce que toutes ces questions-là vont devoir se régler d'un point de vue juridique avec des preuves. C'est-à-dire qu'il faut voir s'il y a eu des mails prouvant que les décideurs étaient au courant, comprenaient, débattaient de ce qu'ils savaient. À mon avis, elle a fait ce qu'elle a pu, et à l'époque, on était effectivement dans la sous-estimation complète. Rappelez-vous, les premiers cas ont lieu dans l'Oise, le RER fonctionnait, on a transmis la maladie, et personne, j'ai pas entendu peut-être William Diam, mais enfin l'essentiel de la communauté scientifique n'a pas sonné l'alerte à ce moment-là. Non, et Agnès Buzyn elle-même, le 24 janvier, déclarait « les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles ». Donc si elle explique qu'ensuite, dès le mois de janvier, elle avait alerté sur le fait que ça allait être une catastrophe, là, ça pose un problème. Le vrai scandale, c'est l'affaire des masques. Bien sûr. Ça, c'est à partir de là. Et alors là aussi, on peut c'est rappeler, pas elle, c'est Olivier Véran. On le sait, voilà. Les masques, non seulement on est passé de 1,5 milliard à 150 millions. Problème, pourquoi on n'a pas renouvelé les stocks stratégiques? Mais surtout, une déclaration qui est inexcusable. On dit en même temps, le masque est indispensable pour les soignants, indispensable pour les patients, mais inutile, voire dangereux pour la population. Or, on sait qu'il y a autant de personnes qui sont porteurs du virus sans symptômes dans la population. Comment on peut dire que c'est indispensable pour les malades et pas indispensable pour les autres, pour les porteurs? Il n'y avait pas assez de masques, la responsabilité. Oui, d'accord, mais on a couvert ce manque en disant le masque est inutile, voire dangereux. Et ça, c'est un discours qu'aucun médecin ne pouvait tenir. Mais je reviens donc à ma question. Oui. Je pense que les Français ont tous mémoire compris cette histoire-là. Ouais. Et que ça. Et on le paye aujourd'hui. Mais bien sûr défiance. Qu'on le paye. Bien entendu. C'est-à-dire que plus personne ne peut croire la parole publique. Exactement. Quand il y a eu de tels mensonges. Voilà. Pour autant, la suite de ma question, je vous demande, est-ce que ça doit se régler devant un tribunal? Alors ma réponse est non, s'il ne faut pas qu'il y ait le jugement, il est politique. La France est arrivée face à cette épidémie dans une situation catastrophique, parce qu'on a suivi depuis 15 ans une politique qui s'appelle « pas de stock du flux ». Voilà. Pas de stock du flux pour les masques, pas de stock du flux pour les médicaments. Bien sûr. On a manqué même de Doliprane. Du curare, qui est encore plus grave. Bien sûr. Des médicaments Limazolam, bon, enfin des médicaments indispensables, on a manqué. Les lits, hein, le slogan était « transformer l'hôpital de stock en hôpital de flux ». Cette politique-là a été appliquée par Marisol Touraine, par son prédécesseur Xavier Bertrand et par Agnès Buzyn, et ensuite Olivier Véran. Et sur ce point-là, le Ségur n'a rien changé. Oui, alors on peut peut-être quand même revenir sur le Ségur, parce que l'argument aussi du gouvernement, c'est de dire, mais attendez, certes, il y avait un état général de l'hôpital public qui était catastrophique, mais nous avons organisé le Ségur de la santé, nous avons revalorisé les salaires de certains soignants. On peut peut-être préciser que avant le Ségur de la santé, une infirmière française était payée 20% de moins que la moyenne de l'Union européenne. Après le Ségur de la santé, c'est environ 10% de moins que la moyenne de l'Union européenne. C'est pas particulièrement glorieux. Mais on n'a surtout rien changé. Alors effectivement, il y a eu quand même 8 milliards qui ont été donnés, ce qu'on jugeait avant irresponsable. Impossible. 6 mois avant, c'était tout à fait impossible. Tout d'un coup, c'est devenu possible. 8 milliards pour améliorer les salaires, ce que vous dites. Mais rien n'a été changé sur le fond qui, en gros, traitait l'hôpital comme une entreprise. L'hôpital vise à être rentable, à vendre. C'est une absurdité. Donc on est dans cette logique-là, avec des contraintes budgétaires. Alors avant, les besoins de santé augmentaient de 4,5%. Et on votait un budget autour de 2%. Donc on mettait l'hôpital en déficit. Et qu'est-ce que faisait un directeur quand il est en déficit? Eh bien, il diminue ce qui coûte le plus cher, c'est le personnel. Aujourd'hui, il manque environ 100 000 infirmières et aides-soignantes dans les hôpitaux. D'où les fermetures de lits. D'où les fermetures de lits, puisqu'on ferme des lits parce qu'on n'a pas assez de personnel. Alors, une responsabilité d'Agnès Buzyn. C'est avant la crise du Covid, quelques mois avant, novembre 2019, on a une première épidémie infectieuse. Celle-là, elle est annoncée, elle est prévue, elle n'est pas plus grave cette année-là que les années précédentes. C'est la bronchiolite. Et pour la première fois, les hôpitaux franciliens, la cité d'assistance publique, est complètement débordée. Des dizaines de nourrissons sont transférés à plus de 200 km de Paris. Donc il y avait une alerte. La réanimation pédiatrique, c'est le cœur du cœur de l'hôpital public. Il n'y a pas d'alternative. On s'est trouvé débordé. Un politique un peu responsable se dit, si on est débordé pour une épidémie programmée, qu'est-ce qui arrive si on a face à nous une épidémie non programmée? Ce qui était discuté depuis longtemps quand même, dans les milieux scientifiques. Donc là, il y a une vraie responsabilité. Ce qu'a fait Agnès Buzyn a été devenu un ministre politique. Elle a dit, c'est la faute à Martin Hirsch qui est mal organisé, c'est la faute à l'organisation des hôpitaux. Si on vous suit, la responsabilité est politique, mais elle est beaucoup plus vaste que ceux qui, là, sont menacés par les tribunaux, à savoir Olivier Véran, Agnès Buzyn, etc. C'est-à-dire que ça fait défaut de démocratie. La destruction de l'hôpital public, elle remonte à très longtemps. Un de mes premiers articles de jeune journaliste, c'était en fin 2002, début 2003. Je vous avais interviewé à l'époque. C'était sur, justement, quelles étaient les mesures à prendre pour l'hôpital public. Le budget, à l'époque, ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. C'était l'enveloppe, le budget global, c'est-à-dire qu'on reprenait tous les ans à peu près le même budget, on reconduisait. Donc, ce qui incitait, d'ailleurs, chaque année à consommer son budget pour être sûr de ne pas le voir baisser, donc une absurdité. On a remplacé ça par un truc encore plus absurde, la tarification à l'activité, qui incite à faire de l'activité pour faire du chiffre, donc à dépenser de l'argent. Bref, est-ce qu'il y a un moment où on va pouvoir organiser l'hôpital public de façon intelligente, éviter l'accumulation de paperasse, et comment on fait pour juger les partis politiques de droite et de gauche qui n'ont pas su gérer ça et qui ont abouti à la catastrophe d'aujourd'hui? La réponse à votre question s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que où est-ce que on peut discuter de l'organisation du système de soins en France, en débattre, savoir si on dépense trop ou si on dépense pas assez, si on dépense bien ou si on dépense mal, où est-ce qu'on dépense beaucoup? Par exemple, en frais de gestion, nous dépensons plus de 18 milliards, plus que la moyenne de l'OCDE. Oui. Pour celle des infirmières, vous avez raison, vous étiez en 28e position. Mais pour les frais de gestion, on est très au-dessus. Alors, tout ça, c'est un débat. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qui est arrivé en tête dans le mouvement des Gilets jaunes? L'accès aux soins, l'hôpital public. Est-ce qu'il y a eu une décision politique qui a suivi? Absolument rien. Donc ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, on a tous les 5 ans une élection présidentielle où on discute de tout. J'ai entendu que vous avez discuté, il faut discuter du nucléaire, il faut discuter des territoires, il faut discuter de l'enseignement, il faut discuter de la santé. Et finalement, après, moi j'ai appelé, lors des dernières élections, publiquement, avec des collègues et des soignants, au deuxième tour d'élection, à voter Macron. Je n'ai pas appelé à voter pour des restrictions budgétaires d'hôpital public. Oui, mais ça... On dit, vous avez voté, c'est fini. Pendant 5 ans, c'est fini. Et puis vous pourrez à nouveau râler ou faire des propositions. Alors, typiquement, nous faisons des propositions. Il y avait une proposition récente du collectif Interhôpitaux d'avoir un référendum d'initiative partagée, avec plus de 185 députés de droite et de gauche, pour dire, ayons un débat sur l'hôpital qui ne soit pas un débat que partisan. Ce que vous dites. Quel mode de financement? La tarification d'activité très, totalement inadaptée à la maladie chronique. Exactement. Est adaptée à la chirurgie ambulatoire. Bon. Donc, comment on finance? Elle n'est pas adaptée aux soins palliatifs. Elle n'est pas adaptée à la réanimation. La tarification d'activité, on l'a vu, elle a été complètement suspendue pendant l'épidémie. Elle était absurde. Bon. Donc, vous payez pas à la réanimation. De même, maintenant, on paye à la qualité. Et vous croyez que pendant le Covid, il fallait payer à la qualité? Donc on paye moins ceux qui font pas de qualité, il y a des médecins qui font pas de qualité. Enfin, bon, tout ça, où est-ce qu'on en débat? Après, lors de l'élection présidentielle, on dit, oh, c'est trop compliqué, il faut des slogans simples. Hein? Et après, normalement, et après, ça devrait se débattre reparti, à l'Assemblée nationale. En gros, il y a un mépris de la démocratie, ce système marche pas. Et d'ailleurs, on a vu une chose pendant le Covid, c'est que tout a été décidé par le président. Oui, mais... Attendez, des médecins, il y en a plein à l'Assemblée nationale, c'est une des professions qui est représentée, il y a des... vous êtes entendu par rapport à d'autres professions, d'autres catégories de Français, là, ça, comment vous faites je pense que vous ne pas être... Je pense pas que les médecins sont entendus. Je vous cherche un peu. La ministre Buzyn, il y en a beaucoup Buzyn. Des médecins en quand politique. Quand j'ai rencontré Agnès Buzyn, au tout début de son mandat, elle me dit, si j'étais encore à l'hôpital, André, j'aurais signé votre pétition. Bah, ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, elle est devenue une politique. En 2018, elle baisse les tarifs des hôpitaux de 0,5%. Comme avait fait sa prédécesseur, Marisol Touraine. En 2019, elle les augmente de 0,2. Et elle fait quoi? Elle fait de la communication politique. C'est une grande première historique. Nous réaugmentons pour la première fois les tarifs des hôpitaux. Bon, on peut pas dire aussi que c'est un mensonge. Parce que c'est géré depuis... la politique transformée en communication. Mais c'est géré depuis Bercy. Et c'est bien le problème. C'est que ce sont des enjeux financiers, que les dépenses de santé ont augmenté énormément sur les 20 dernières années, que ça fait 20 ans qu'on a des politiques de droite et de gauche qui nous disent, de toute façon, pour diminuer les dépenses de santé, il faut diminuer le nombre de médecins. Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un manque de médecins, des territoires où il n'y a plus personne pour soigner. Et le problème, c'est de savoir comment on fait pour que l'argent que génère la production en France puisse aller à l'hôpital et ne pas aller à d'autres dépenses. Comment on oriente, sachant qu'on a une dette et que l'argument c'est de dire mais c'est trop cher, on a une dette, il faut la rembourser, les 3% Maastricht, etc. C'est ça qu'il y a derrière. Il y a en même temps, enfin je pense que les Français, quand on fait des sondages, sont prêts à payer plus pour la santé. Mais tout le monde dira on veut bien payer plus pour la santé, mais pas pour des gaspillages. Pas pour de l'argent qui part dans des fonds de ça pension. Arrive, parce ça que... arrive aussi, les gaspillages, en santé, quand on fait 5 santé, fois le même examen. Considérable. Parce que... En santé, oui. Par exemple, vous avez 7,5 milliards de frais de gestion des mutuelles et des complémentaires santé des assurances privées. 7,5 milliards. Plus que la Sécu. Oui. 7,3 milliards. Donc chaque soin en France a une double gestion. C'est un doublon, c'est un gaspillage de plusieurs milliards en frais de gestion. Seulement, les mutuelles et complémentaires santé sont très liées aux partis politiques. Et oui. Et donc, finalement, on n'y touche pas. Vous avez les bénéfices de l'industrie pharmaceutique qui aussi créent la défiance, qui sont absolument colossaux. C'est une industrie qui, où la rentabilité est plus élevée que celle du luxe. Et vous avez en France une médecine prescrite. Et qui finance les études de médecine assez souvent, d'ailleurs. Et vous avez des études, vous avez en même temps une médecine très prescriptive où le nombre d'examens inutiles, même d'interventions inutiles, d'actes inutiles, par rapport à ce qui est recommandé, est colossal. Bon. La ministre, là encore, avait dit il faut faire une politique de pertinence des soins. Elle avait dit 20% des prescriptions et des actes sont inutiles, injustifiés. Qu'a-t-on fait? Que fait-on? On a continué. Simplement, on a continué. Donc, c'est ce débat-là qu'on va avoir. Donc, on a un déficit de démocratie. Il ne faut pas que ce déficit de démocratie se transforme en justice. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral.

1981, sous le premier quinquennat de François Mitterrand. Voilà, oui. Ben, en France, on avait supprimé la peine de mort. Eh oui, oui. On n'était pas les derniers à pratiquer la peine de mort. Mais on n'était pas les premiers à l'avoir supprimée non plus. Il y a d'autres pays qui nous ont montré l'exemple. Ah oui, des années auparavant. Hein, bon. Voilà, ben, le pays des droits de l'homme fait ce qu'il peut, mais pas toujours ce qu'il veut. Hein. D'où ils vivent dans une cabane de jardin pour fuir les trafiquants de drogue. C'était l'enfer, un quotidien à ce point intenable dans leur immeuble des Chambontan à Audincourt, qu'Antoinette, 80 ans, et son compagnon Jacques, 75 ans, ont préféré quitter leur logement pour vivre provisoirement dans leur cabane de jardin dans un village proche. Ils voulaient la paix, ne plus avoir peur de la nuit, comme dit simplement Antoinette. Les va-et-vient nocturnes et bruyants de ceux qui font commerce de la drogue, la porte du hall qui claque à point d'heure, les coups de pied dans les portes, les squats, le raffut dans les communs n'étaient plus supportables, abonde son compagnon Jacques. Alors, moi je pose la question, hein, je me permets de poser des questions. Ah oui, on a encore un petit peu en République, hein, alors on peut encore se poser des questions. Et la police de Darmanin, elle est où? Elle fait quoi? La police de Darmanin, elle est où? Elle fait quoi? Algie vasculaire de la face, c'est comme si on m'arrachait le côté droit du visage. Voilà un monsieur qui a créé une association à Hanoul sur cette à propos de cette maladie, pour trouver des fonds pour améliorer la recherche concernant cette maladie. Très engagé, Bernard Grivel a créé en parallèle l'association Lorraine contre l'AVF en 2014, qui regroupe plusieurs centaines de personnes. Son objectif est d'aider les personnes atteintes d'algie au quotidien dans leur démarche médicale, comme lors de permanences à l'hôpital central de Nancy deux fois par mois. Voilà, devenu patient expert il y a quelques années, Bernard Grivel a réalisé des dizaines de conférences à travers les Vosges pour faire connaître l'algie vasculaire de la face. Voilà, des particuliers qui doivent eux-mêmes prendre beaucoup d'initiatives, dépenser beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour faire avancer les choses. Hein ? Alors que c'est la mission de l'État de faire avancer les choses en ce qui concerne notamment la recherche médicale. Pédocriminalité dans l'Église, un appel à la démission des évêques. Une démission collective serait le seul geste à la mesure de la catastrophe, estiment les signataires François Devaux, Christine Pedotti et Anne Soupa. L'efficacité des vaccins confirmés, épidémie de Covid-19, bien sûr. Les personnes vaccinées ont 9 fois plus de risques d'être hospitalisées ou de décéder que celles qui ne le sont pas. Des chiffres d'autant plus parlants que l'étude a été réalisée à grande échelle sur 22 millions de personnes. Alors, les personnes vaccinées ont 9 fois plus de risques d'être hospitalisées. Là, il y a peut-être une erreur, hein. Peut-être qu'il y a une erreur. Oui, c'est, ben vous vérifierez, hein, si je me suis trompé en lisant, mais c'est le Vosges Matin du mardi 12 octobre 2021. Par contre, en haut, il y a une place, plus d'une demi-page qui est consacrée à Xavier Bertrand au Congrès LR, le choix de la raison. Le choix de la raison. Eh ben, le choix de la raison, c'est de ne plus jamais choisir des hommes politiques comme ça. Il faut choisir des hommes politiques capables de faire avancer les choses, capables de progresser, de faire progresser la société. Eh oui, arrêtons des électeurs un peu imbéciles, parce que depuis 50 ans, si on remonte à 50 ans en arrière, les électeurs français peuvent quand même pas se vanter d'avoir fait des exploits. Hein. Asie, Chine, Taïwan, les tensions qui inquiètent le monde, gesticulation militaire, offensive dans les discours. La Chine met la pression ces dernières semaines sur l'île de Taïwan, qu'elle considère comme faisant partie de la nation chinoise. Oui, ils sont à quelques kilomètres, 130 kilomètres de la côte chinoise. Ils parlent le chinois, ils écrivent le chinois, ils ont fait partie de la Chine pendant des siècles du temps des empereurs. Et puis, voilà, que bon, les États-Unis, entre autres, trouvent que la Chine et Taïwan, c'est pas la même chose. Hein. Oui, bon, enfin bref. Si on veut provoquer un incident, pour utiliser un mot faible, un incident qui serait gênant pour le monde entier, hein, Eh bien voilà, on a une piste là. Manche, plus de 300 migrants sauvés, plus de 300 migrants qui se trouvaient dans de petites embarcations sur la Manche pour rejoindre l'Angleterre ont été secourus dimanche. Deux d'entre eux étaient en état d'hypothermie avancée et un était blessé. Voilà, alors ce qui est bien, il faudrait secourir systématiquement les gens comme ça qui s'embarquent pour l'Angleterre ou d'autres dans d'autres destinations de sur la Méditerranée par exemple hein, et qui sont obligés de fuir leur pays. Et ce qu'il faudrait, que l'ONU joue son rôle, l'Organisation des Nations Unies qui a été créée pour cela hein, pour organiser le monde, organiser la façon de fonctionner du monde, que le monde fonctionne de façon de plus en plus humaine hein. Il faudrait que l'ONU remplisse son rôle et que l'on permette à des diplomates d'aller négocier directement dans les pays d'origine des émigrés pour que les gens ne soient plus obligés d'émigrer. Parce que c'est pas par plaisir qu'ils se jettent à l'eau sur un bateau de rien, hein, sans gilet de sauvetage, sans savoir nager, en ayant froid, faim et peur, hein. Ça, c'est une honte pour les anciens pays coloniaux. Qu'il y ait des gens qui soient obligés d'émigrer actuellement. Hein, en 2021, que des gens soient obligés d'émigrer, c'est anormal, totalement anormal. C'est totalement inhumain. Et nos gouvernements sont responsables de tout ça. Voilà. Les gouvernements des pays d'où viennent les migrants, hein, parce que s'ils n'étaient pas suffisamment malheureux, ben ils resteraient chez eux, ils seraient bien contents de rester dans un pays dont ils connaissent le climat, la langue, etc. Et puis, bon, enfin bref. Et on a 6 millions de chômeurs, nous. Nos financiers ont fabriqué 6 millions de chômeurs. Hein, et ils sont à l'origine de combien de milliers d'accidents du travail, de maladies professionnelles, ces financiers-là. Voiture radar privé, tiens, la finance, encore la finance, toujours la finance. Voiture radar privé, même si la mortalité est en baisse sur les routes, le gouvernement veut déployer 4700 radars d'ici fin 2022, soit près de 700 radars de plus qu'en septembre 2020. Et parmi les nouveaux dispositifs, des voitures radar conduites par des sociétés privées. Ils n'ont que cette idée-là dans la tête, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Sanchez rachète des forêts privées pour la bonne cause. Ben oui, il vaut mieux que les privés, les voitures, les forêts soient publiques que privées. Bon, c'est beaucoup mieux. Le premier bois du nouveau collège de Vanier posé. Le président du conseil départemental a posé le premier bois, entre guillemets, premier bois, du futur collège de Vanier, un chantier de 18 millions d'euros. Oui, le premier bois. Alors à Vanier, autrefois, on n'aurait pas dit le premier bois. On aurait dit la première pierre. Ah ben oui, à l'époque où il y avait encore du granit, où il y avait encore des industries où on travaillait le granit, où il y avait encore des industries où on embauchait des gens qui travaillaient le granit et qui gagnaient leur vie de cette manière-là. Eh non, ben tout ça, ça a disparu. Ah ben oui, bon ben l'industrie du bois suivra, ben oui, plus ou moins vite. Le désolant business des plaques de soldats morts au combat. Les ventes via les réseaux sociaux ou les sites internet de plaques d'identité ou funéraires de soldats morts au combat trouvées dans la région se multiplient. Un phénomène qui choque les associations mémorielles. Le souvenir français traque les annonces, non, et rachète certains objets. Alors business, on peut mettre à propos de business, était-il français ? Eh bien, la plupart des combattants de la guerre de 14 et 39-45 sur le territoire français étaient français, mais il y a eu aussi des Américains, des Anglais, des Canadiens, etc., qui sont venus nous aider à nous libérer. Hein. Et puis, il y avait des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Mauritaniens, des Sénégalais, etc., etc., hein, qui sont venus aider la France à se libérer de l'occupation nazie. Et qu'on a remercié ensuite en faisant la guerre d'Indochine et puis la guerre d'Algérie. Hein, vous voyez, voilà. Ouais, bah tiens. Mort du Timéo, les médecins devront s'expliquer à la barre. Le CHRU de Nancy, mais aussi une cardiologue, un médecin chef de service et une infirmière seront jugés prochainement à Nancy pour homicide involontaire suite à la mort du petit Vosgien Timéo en 2015, tout juste âgé de 4 ans. Alors ceux qui ont supprimé des postes de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, qui ont supprimé des salles, du matériel, etc. Ils seront accusés quand et condamnés quand? Brésil, déforestation, un crime contre l'humanité. Avec un point d'interrogation, mais moi j'ai supprimé le point d'interrogation, hein, voilà. Une ONG autrichienne attaque le président brésilien Jair Bolsonaro. Ah, celui-là, c'est un noir tenir, hein. Ah oui, faudra faire un tribunal de Munich un jour pour le juger, hein. Bolsonaro devient, Munich ou ailleurs, hein, ou Paris par exemple. Bolsonaro devant la Cour pénale internationale affirmant que son administration porte une responsabilité dans la déforestation en Amazonie en pointant une destruction intentionnelle de l'environnement. Eh oui, voilà. Ceux qui ont voté pour Bolsonaro, ils le regrettent, mais trop tard, ils ont voté. Voilà. Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. Hubert Germain, qui était le dernier compagnon de la Libération, encore en vie, est mort à l'âge de 101 ans, a annoncé mardi la ministre des Armées, Florence Parly. Il avait intégré la Légion étrangère et combattu en Syrie, en Libye et en Italie. C'était un résistant. Est-ce que Florence Parly aurait été dans la résistance? Hein? Bon, sans doute, hein. Ah oui, hein? Sans doute. Bien sûr. Alors, faut même pas poser la question. Neuchâtel, hein, toi pour toi, des petites maisons qui montent, menuiserie surcyclée, isolation en carton contrecollé, revêtement en torchis, roseaux, ossature bois en palette, des petites maisons que construit l'association Un Toit pour Toi, alliées écologie et économie, avec des matériaux récupérés sur l'ancienne caserne, l'ancienne maison de retraite. Voilà. 15 mètres carrés. Tiny house. What is it, a tiny house? Was ist das, ein tiny house? Was ist das in Französisch? Bitte schön. Épidémie de Covid-19, ces nouveaux vulnérables fragilisés par la crise. La crise sanitaire a eu des conséquences économiques, sociales et financières pour 8% des Français de plus de 15 ans. C'est ce que dévoile un rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, CREDOC, publié ce mardi. C'est une honte qu'un pays comme la France, compte 6 millions de chômeurs. Une honte pour tous ceux qui ont détenu une parcelle de pouvoir il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, et qui maintenant détiennent une parcelle de pouvoir. J'ai honte pour eux. Quelle honte! 6 millions de chômeurs dans un pays comme la France. 6 millions, vous rendez compte un peu? Pour qui? Pourquoi on a voté? Ah, ben il n'y a pas de quoi être fier, hein. Le peuple français ne peut pas être fier. Le Club Med s'engage pour l'avenir à Vittel. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Hein, oui, on s'en fout. Complètement. Voilà, ça fait 70 ans que 59 gamins sont violés par des curés chaque semaine. Et ça passe. Personne ne parle de séparatisme ou autre sornette. Là, si n'importe quelle secte avait fait le millième de ça, elle serait dissoute et ses dirigeants seraient en prison. Qu'en pense Éric Zemmour? On l'entend pas. À ce propos, il dit rien. À ce propos, Zemmour. Accident du travail, recensement 2021. Bilan après 6 mois de recensement des accidents du travail. Et 163 victimes d'accidents mortels. 36 accidents de la route ou de tracteur. 24 maladies cardiaques. 24 chutes. 19 chocs avec outils ou machines. 17 chutes ou effondrements de charges. 18 agriculteurs et ouvriers agricoles, 13 ouvriers de l'industrie, 6 livreurs de repas, 41 ouvriers du BTP. C'est le BTP qui détient tous les records en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail. 41 ouvriers du BTP, 28 chauffeurs routiers, 8 bûcherons et élagueurs, 9 marins et marins-pêcheurs. Voilà, 163 victimes d'accidents mortels, hein. Eh oui, ben il y a de quoi être fier, hein. On peut être fier d'être français et d'avoir voté pour les gens qu'on a mis au pouvoir. Oh oui, on peut être fier, parce qu'on a aussi notre part de responsabilité. Nous autres, les électeurs. Eh oui, il n'y a pas que les gouvernants qui ont la responsabilité. Les électeurs aussi. Ouais. Les Allemands qui en 1933, sous prétexte qu'il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne, sur 60 millions d'habitants, qui ont voté pour Hitler, ben ils sont responsables de la Deuxième Guerre mondiale et des 65 millions de morts qui ont suivi. Eh oui, ils pensaient pas que en mettant un bulletin dans l'urne, les conséquences seraient celles-là. Hein. Ah ben non, ils n'avaient pas pensé à ça, les électeurs allemands. Hein. Alors, 16e chambre correctionnelle de Paris. Association de malfaiteurs terroristes réunie au sein d'un groupuscule baptisé OAS pour Organisation des Armées Sociales. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté des actions violentes contre des personnels, des personnes musulmanes, des dealers, oui, hein, des kebabs, mais aussi Christophe Castaner ou Jean-Luc Mélenchon, avec un but affiché, enclencher la remigration de la France. Ah, entre guillemets, enclencher la remigration de la France. Ouais, ouais, ouais. Enfin. Et alors, donc, Jean-Luc Mélenchon a porté plainte. Ben oui, parce qu'on l'a on menacé d'attenter à sa vie. Voilà, alors Jean-Luc Mélenchon a porté plainte. Le chef de la France insoumise sera donc entendu par le tribunal ce vendredi 24 septembre. Voilà. Bonne nuit.